Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 52e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et on remet le pied à l'étrier pour 2021 et j'accueille Majo. Salut Majo. Salut. Ça va? T'as la pêche? Ouais. Grosse patate. Youhou. Ouais. Bon, ok. Et ben ça commence très bien. Non, c'est l'angoisse, ça va pas du tout. Mais non, c'est pas l'angoisse, tout va bien, tu vas voir. Des lendemains chantants et bleus. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Redonnez-moi le sourire. Allez, ça va être le challenge. Le fil rouge du soir, c'est de me redonner le sourire. Allez, on est là, gros, t'inquiète. L'enfoiré, ça y est, c'est gagné. Et ensuite, nous avons Laurent. Salut, Lo. Salut. Ça va bien? Oui. Ça va mieux que Majo? Parce que... Bah non, pas mieux, mais qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Oh putain, je suis le seul à aller bien en fait. Soit on se pend, soit je sais pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah mais je suis le seul à jouer sur PC, c'est vrai. Ah, c'est peut-être pour ça. Et voilà, et t'as tout résumé. Et boum. T'es le seul à être riche. Donc voilà. Voilà, c'est ça. Donc, on est très content de vous retrouver après une petite trêve hivernale qu'on s'est octroyée en ce début janvier. J'espère que vous allez nous excuser pour ça, mais voilà, on a voulu faire une petite pause. Et puis, de toute façon, l'actualité du PSVR, et même de la VR en général, et même, je dirais, du jeu vidéo en général, était un petit peu en berne, de toute façon, en début d'année. Donc là, on va reprendre un petit peu les bonnes habitudes. On vous souhaite une très bonne année 2021, hein, les gars. C'est clair, mais meilleur vœu. Mieux que 2020. En espérant qu'elle soit meilleure que 2020, c'est le traditionnel souhait de chaque année. Je vous rappelle année. Que l'année c'est passée, clair. On a souhaité une bonne année, elle a été pourrie, donc je ne sais pas s'il faut la souhaiter cette année. Aussi, ouais, je ne sais pas. En même temps, on le dit tous les ans, donc ouais, forcément, il faut bien qu'il y ait des années de merde où ça marche. Mais on n'a jamais autant regretté de le souhaiter que l'année dernière, en fait. Mmh. Ça, c'est clair. C'est clair. Voilà, donc je vais commencer un petit peu par la fin en disant que vous pouvez nous retrouver sur Discord, sur Facebook, sur Twitter, sur iTunes, sur PodCloud, sur Spotify et sur... c'est quoi le dernier déjà? Je m'en souviens jamais. Deezer, ouais, je crois que je l'ai dit, faut se parler. Deezer, et surtout, ce que vous pouvez faire, si vous aimez nous suivre, si vous venez de nous découvrir et que vous aimez bien l'émission, ou si vous nous suivez depuis maintenant plus de 2 ans, vous pouvez laisser des petites étoiles sur iTunes, ça nous aiderait beaucoup pour le référencement, et puis pour avoir vos retours, et voilà, montrer que ça vous plaît et que vous voulez soutenir l'émission, donc voilà, n'hésitez surtout pas, ça prend à peu près 2 secondes et demie pour faire ça, ça coûte pas cher. C'est gratos et puis nous, ça nous aidera surtout à être bien référencés sur iTunes et c'est très important, c'est comme ça que ça marche de toute façon maintenant les podcasts. Donc voilà, on compte sur vous et puis on vous remercie d'avance. Voilà, donc nouvelle année, nouvelle formule du coup. Nouvelle formule. Tu commences direct par la fin. Bah oui, écoute, j'essaye et puis mine de rien, un petit peu de promo, c'est vrai qu'on en fait quand même pas souvent. Ça effectivement, ça coûte pas cher et puis voilà, en espérant que ce soit efficace et puis voilà. On va commencer avec Majo, avec une news sur No Man's Sky. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors, c'est pas vraiment une news, c'est plutôt un leak, on va dire. Commence déjà à me contredire, ça commence bien. Non, mais c'est pas un truc officiel, je veux dire, c'est pas vraiment une news. Mais bon, comme on dit, il n'y a rien à manger, donc on se raccroche aux branches encore. Mm. Et du coup, c'est un... T'as oublié enfin, de dire, on se raccroche aux branches qui cassent. On se raccroche aux branches qui cassent, c'est vrai. C'est ça. C'est vrai. Me casse pas ma bonne humeur là, j'étais remonté. Et du coup, dans un des patch notes de la version expérimentale de No Man's Sky là, qu'on peut avoir sur Steam, il y a une ligne qui précisait que y aurait un patch entre guillemets, parce que c'est pas vraiment, enfin c'est toujours pareil, c'est pas vraiment des patchs, enfin bref, qui améliorerait grandement du coup la qualité de la résolution et le framerate donc sur PS5. Donc en fait un vrai patch pour de la rétrocompatibilité là pour profiter du mode boost de la PS5, donc c'est bien. Mmh. Ouais, bah surtout voilà. Sur ce jeu là quoi qu'on a vraiment besoin parce que qu'il y en a vraiment besoin, voilà, tout à fait. Parce qu'il a beau être très très bon, très très long et très sympa à jouer, ça reste quand même une sacrée bouillie de pixels, en tout cas sur PS4 classique. Du game boost un peu plus. Bah, il a été bien amélioré quand même. Sur PS4, oui. Notamment oui. De près, même sur PS4. Hein, même de sur près, PS4. Ouais. Ils ont quand même fait de gros efforts sur tout ce qui est végétation, tout ça. Mais bon, voilà, il y a encore beaucoup de textures qui pop, même d'objets qui pop. Enfin, c'est quand même compliqué, ça demande beaucoup de ressources toujours dans No Man's Sky, donc c'est, voilà, c'est une bonne nouvelle je trouve, si ça s'officialise ça sera une bonne nouvelle. C'est une façon de nous faire avaler la pilule qu'on n'aura pas le Next Generation sur PSVR quoi. On l'a déjà, mais bon, on a que le contenu quoi. Non, mais c'est pas la partie c'est pour faire plaisir aux 100 personnes en France qui ont la PS5 quoi. Donc c'est quand même pas mal. C'est vrai qu'on est des heureux élus, hein, j'avoue. Entre les 50 qui ont été offerts par Sony et les 50 qui ont pu être achetés, c'est voilà, faut bien contenter ces gens-là. Donc, Puis apparemment, 2021 va pas être non plus très très généreux en PS5 ni en matériel de haute technologie. Là. Ça va être compliqué encore cette année. Donc bonne année. Voilà. Bonne année. C'est super. Ensuite, Laurent, toi, tu venais nous parler de d'art musical, de grande musique, de grande symphonie, avec donc ce qui a été présenté, je crois, par Sony, c'est ça ? Oui, par Sony au CES 2021, donc, qui a été un événement complètement numérique. On sait pourquoi. Donc bonne année. À la fin, ils vont tous se pendre. C'est le mot de la soirée. Donc, c'était. On s'y attendait parce qu'on a déjà fait on avait fait un article pour anticiper un petit peu donner nos attentes sur ce CES. On l'a dit tout le temps, hein, le CES, c'est pas un truc où c'est qu'on va parler de PlayStation. Étonnamment, cette année, Jim Ryan était encore là. Bon, il a parlé pour rien dire, mais il était Phil, là. Phil Ryan, non L'année passée, il avait quand même montré le logo de la PS5. Souviens-toi. C'était quand même magnifique. Cette année, on a senti un discours plus fédérateur pour essayer de récupérer les petites tensions qu'il y avait avec le Japon. Ça a fait le tour du net, hein, les problèmes qu'il y a au Japon, les Japonais qui commencent un petit peu à crier à la traîtrise de Sony. Donc là, son discours. Ils en ont marre de se faire cracher à la gueule par Sony depuis deux générations maintenant. Donc, voilà, ça date de la PS4. Hein, ça date déjà de la PS4 quand déjà toute la production qui était fabriquée au Japon pour la PS3 est arrivée en Chine pour la PS4. Déjà, ça avait été très mal perçu. Là, ça continue. Bon, il y a eu déjà les États-Unis. Donc, c'est Los Angeles, San Francisco qui a récupéré vraiment la gestion de la PlayStation. Du coup, tous les événements étaient à 5 heures du matin au Japon. Ils étaient en américain, ils n'étaient pas en japonais. En plus, par-dessus, ils rajoutent l'inversion des touches rond et croix sur les manettes japonaises. Donc c'est un petit peu comme si tu demandais à un Anglais de conduire de l'autre côté de la route du jour au lendemain, quoi. Les joueurs qui jouent depuis des années sur PlayStation, ils ont leurs habitudes. Hein. Toi maintenant, dans le noir, tu sais où est ton bouton rond, où est ton bouton croix. Et là maintenant, on te propose du jour au lendemain, on va vous changer les boutons de place. Donc attends, non, les boutons ne proposent pas. Les boutons ne changent pas de place. Non, c'est la fonction du bouton. Oui, c'est vrai. Ils changent pas de place les boutons, c'est la fonction. Oh, l'usine, t'imagines. Ils inversent deux trucs, quoi. Donc du coup, la sélection au Japon, c'est rond. Le problème, c'est que avant c'était juste imposé, sauf sur les jeux japonais en Europe où tu avais encore la sélection avec le rond et puis la croix pour annuler. Mais les jeux américains, en tout cas, ça a toujours été. Mais c'est plein de petites choses qui fait que le Japon a été écarté parce que les ventes de PS4 déjà sont pas glorieuses au Japon. Contrairement à ce qu'on pourrait croire sur les 116 millions vendus, le Japon il n'a pas fait des chiffres faramineux. C'est un peu pour ça aussi qu'ils ont perdu un peu la main, le Japon, sur la gestion de cette PS4. Le plus gros marché, de toute façon, qui représente plus de la moitié du marché console, c'est les États-Unis. Donc bon, il ne faut pas se mentir, hein, c'est pas pour rien qu'ils ont tout calé à San Francisco. Mais ça a été mal reçu, quoi. Et donc, pour en revenir à notre CES, on savait qu'il n'y allait pas avoir des merveilles. Alors déjà, c'est une communication de Sony et pas de PlayStation. Donc ils ont bien sûr présenté les nouveaux téléviseurs qui iront bien avec la PS5. Ils ont présenté le drone AirPic, qui est un drone professionnel. Hein, donc c'est déjà du drone qui fait bien 1 mètre de diamètre. C'est des trucs qui sont prévus pour emporter des charges lourdes pour des caméras professionnelles. Donc ça c'est en rapport directement avec Sony Pictures et les studios. Qu'est-ce qu'ils ont présenté d'autre? Des nouvelles enceintes, tout un tas de petits trucs. Ils ont pas mal insisté sur la partie son. PlayStation qui a fait son discours, mais bon, ça servait pas à grand-chose pour les joueurs. Et puis, au final, le seul truc d'intéressant sur CES venant de Sony, c'était le directeur de Sony Music qui a pris la parole pour déjà parler qu'ils allaient vraiment travailler sur le son 3D. Donc c'est un peu lié à la PS5 de ce côté-là. Et surtout, devant la crise du Covid, ils ont fait un test, donc avec cette fois, c'est avec Madison Beer, c'est une nouvelle petite star qui a fait déjà 2-3 tubes. Et on n'est pas du tout dans une expérience comme celle de The Joshua. Je me rappelle. Joshua Bell. Joshua Bell, où là c'était tout filmé avec des caméras 360 degrés, avec un son spatialisé, c'était superbe comme expérience. Là c'est carrément tout modélisé de A à Z en 3D. Ils ont carrément reconstitué la salle de concert de Broadway de Sony. Le Sony Hall, ou je crois que c'est le Sony Hall, ça s'appelle. Et donc ils ont tout modélisé. Alors tout est fait sous Unreal Engine. On ne sait pas si c'est la version 4 ou la version 5. Ça sera intéressant de le savoir. Et puis, en fait, c'est un concert virtuel qui sera prochainement disponible sur tous les casques Oculus et sur le PSVR. Donc, au début, je croyais que c'était 2-3 morceaux qui seraient. Mais apparemment, il semble qu'il y aurait beaucoup plus de morceaux, que ce serait déjà un petit concert de 30 minutes ou 35 minutes, tout en VR et en 3D. C'est gratuit ou pas ? Je sais pas. On sait déjà ? Je sais pas du tout. À mon avis, je sais pas, Marc. Il va bien falloir payer la star. Mais en tout cas, la star ou les producteurs surtout. Mais de toute façon, que ce soit n'importe qui, ce que je disais la dernière fois, que ce soit Nana Mouskouri ou que ce soit n'importe qui chante, ce qui est intéressant, c'est que Sony Music commence à s'intéresser à la VR pour des salles de concert. Tu sais faire rêver, toi, Laurent. Nana Mouskouri en VR. Non, parce que bon, il y en a deux, trois qui ont dit ouais, mais c'est qui cette connasse ? On la connaît pas. C'est nul. Ouais. Pourquoi ils mettent pas tel groupe ? Mais on s'en sort plus. Donc, faut m'en commencer quelque part. Puis c'est pour la prouesse technique, surtout. C'est surtout plus ça. Que pour la vitrine, personne, enfin, l'artiste qui est derrière. Technologique. Donc après, s'ils arrivent à faire ça avec elle, ils peuvent le faire avec d'autres stars. Pour l'instant, c'est vraiment de l'expérimental. Hein. On verra bien ce que ça donnera. Mais c'est encourageant de voir Sony Music intéressé encore par la VR, alors que tout le monde la boude en ce moment. Donc, mais tout le monde boude un petit peu tout. Sauf Facebook. En même temps. Ouais, sauf Facebook, ouais. Ouais. Je sais pas si j'en parle ce soir de Facebook encore, parce que bien la haine. Je sens que ça te démange, ça y est. Ouais, ça me démange, ouais, mais je vais être de bonne humeur pour cette première émission. Facebook et leurs 10 millions de Quest 2 vendus. de Quest 2. Ouais. En tout cas, voilà, ok, bah c'est bien, c'est une bonne initiative. En tout cas, c'est mieux que rien. Et puis, ça prouve que malgré, on va dire, le refroidissement ambiant sur tout ce qui est avancé technologique, et ben, Sony se bouge encore un petit peu le fion pour proposer quelque chose, quoi. Même si c'est pas du coup de tout le monde, faut au moins commencer quelque part, et puis finalement faut aussi savoir que peut-être que la cible qui est attendue sur ce genre de produit là, c'est les jeunes, quoi. C'est pas forcément des vieux cons comme nous qui auraient préféré avoir du Foo Fighters, quoi. Oui, c'est sûr. Et puis c'est vraiment une réponse au Covid. Alors j'espère que si le Covid s'arrête, tout ne va pas se casser la figure. Mais en tout cas, on sent que cette période de Covid de 2 ans ou 3 ans, on ne sait pas combien de temps ça va durer, a métamorphosé quand même le marché numérique. Et que, les plannings, voilà, les gens. Et que maintenant, ils commencent à se dire, on n'est pas à l'abri d'une deuxième pandémie. Et maintenant, ils commencent à se préparer vraiment à avoir une bouée de sauvetage, quoi, de côté au cas où, quoi. Donc c'est plutôt une bonne chose. Toi, t'es client, toi, Majo, ou pas, de ce genre de choses ? Tu parles de changer de cible, d'attirer les jeunes. Bon, après, c'est Sony Music, mais bon, ils sont en partenariat avec Unreal. Moi, je te dirais, sortez Fortnite sur PSVR, et puis voilà, problème résolu. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais c'est tout lié, hein. Fortnite avec... comment il s'appelait ? Je vais me faire maudire, parce qu'il doit y avoir des fans. PUBG, non ? Non, celui qui a fait le concert sur Fortnite, Scott, je sais plus comment... Travis Scott. Travis Scott. Les vieux cons. Travis Scott. Travis Scott, il est sous licence Sony, donc c'est surtout ça qui ressort de cette histoire de Madison Beer, et c'est vraiment le truc à se rappeler, c'est que déjà Travis Scott qui était chez Sony. Donc Sony Music a autorisé Travis Scott à faire un concert sur Fortnite. On sait que Sweeney, donc le patron de Unreal, a beaucoup soutenu la PS5, et puis même il est même venu quand on commençait à lui cracher dessus, il est même venu sur Twitter pour intervenir pour la défendre. Sony qui a investi des millions, donc c'est quoi, c'est 1% du capital de Unreal, hein. Mais c'est déjà un gros investissement pour ils sont en train de se rapprocher quoi. Il y a eu aussi l'un des PDG de Unreal qui a commencé à dire qu'il y aurait dans Unreal Engine 5 il y aura des fonctions supplémentaires pour la VR et beaucoup d'outils qui seront développés. Donc on sent que ils sont sur la même longueur d'onde, qu'il y a des échanges de bons procédés entre eux, et il y a des investissements, bien sûr, hein, c'est sur des boîtes de cette taille-là. Et encore une fois, eh ben, là, comme par hasard, ce concert est intégralement fait sous Unreal. Et Unreal, c'était avec ça qu'on avait vu la super démo sur PS5, et on sait en plus que Sweeney a dit qu'avec Sony, ils étaient exactement sur la même longueur d'onde pour ce qui était des jeux vidéo, de la musique et des technologies futures. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui s'amalgame sans avoir de vraiment, mais on voit que ces deux-là, je serais pas étonné. Bah, ils en sont préliminaires quoi. Tu sens qu'il peut se passer quelque chose et tu sens aussi surtout que Unreal Engine 5 avec ses outils VR, il y a peut-être pas mal ils attendent peut-être la sortie de ce Unreal Engine 5 pour sortir vraiment le gros paquet quoi. Je sais pas, à suivre. Mais c'est intéressant quand même ça tourne autour du pot et ils se sentent le cul, on va dire. Ouais, mais donc ça veut dire que si Madison Bear, l'expérience sort sur PSVR, ça veut dire que ce sera un truc PS4. Donc dans tous les cas, ça pourra pas être de l'Unreal Engine. Ah non, pas du tout. Oui, ce sera une démo sur PSVR. Non, mais parce que tout à l'heure, tu te posais la question de savoir si c'était sous Unreal Engine 4 ou 5. Du coup, je pense pas que ce soit sous le 5. Pour le PSVR, ce sera un jeu PS4, c'est sûr. Enfin, une expérience PS4. Mais par contre, Sony doit déjà avoir la main sur des outils ou des démos ou de Unreal Engine 5. Surtout qu'on sait qu'il y a pas mal d'outils qui sont développés spécialement pour la PS5, sous Unreal Engine 5. Oui, mais la PS5 n'étant pas ouverte au PSVR, ça compte pas. Oui, elle n'est pas ouverte au PSVR. Parce qu'au niveau du kit de développement, mais rien n'empêche par exemple de commencer sur un PC à développer ton jeu sous une bêta de Unreal Engine 5. Je parle vraiment des studios Sony, là. Je parle les développeurs indépendants n'y ont pas accès, et de commencer à travailler sur ces fonctionnalités, et quand la PS5 sera ouverte, oui, après, ça sera pas compliqué pour l'en. Sur quel casque et avec quel contrôleur? Ah bah alors ça... Alors ça, on n'en sait rien. Quoi. Ouais, ouais. C'est ça. Bah, tu sais, un casque, tu t'en fous de ce que c'est comme casque. Hein. Tu fais sur un Vive ou sur n'importe quoi, c'est un écran. Hein. Oui, mais je suppose qu'il doit y avoir toute une... Comment dire, si c'est en 3D, il doit y avoir tout un système de déplacement avec un minimum d'interaction. Ouais. Oh, interaction, je pense pas. Hein. J'ai pas l'impression. Hein. Je pense que sur le concert, tu vas pas bouger de ta place. Hein. À mon avis, hein. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'ils vont nous surprendre et qu'on va pouvoir se déplacer alors, en temps réel. Mais... Il y avait tu sais, l'expérience Hatsune Miku. Ouais. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Celle-là, tu changeais de place. Tu changeais de place. Quelques petites interactions. Donc c'est pour ça. Bon, après, t'avais pas besoin des moves et tout ça, mais. Je sais pas. Ça, on le saura. Je les vois mal. Franchement, ça me ferait mal. Très honnêtement, ça me ferait mal qu'ils sortent ça et que ça soit un truc de ouf sur PS5. Franchement. Comment ça? Bah, et si c'est censé sortir sur PSVR, ça me ferait mal que ça fasse partie des trucs. Qui soit optimisé PS5, là où nous, ça fait 1000 ans qu'on attend des jeux. Ah oui, d'accord. Ouais, quoi. Ouais, que ça, ce genre d'expérience, qui privilégie plutôt une sorte d'expérience comme ça plutôt que des vrais jeux. Quoi. Oui, tout à fait. Bon, c'est pour ça, je pense que ça sera un truc PS4. Ça m'étonnerait que ce soit sous Unreal Engine 5, ça sera sous le 4. Ouais. Et puis voilà, puis si ça sort sur PSVR, ça sera forcément adaptable PS4. Et puis voilà. Bon, en tout cas, on verra, on en saura un petit peu plus dans quelques semaines ou quelques mois, si c'est décalé comme tout. Bonne année. Et puis voilà, on vous en dira un petit peu plus à ce moment-là. Moi, je vais vous parler d'un jeu qui est sorti. Donc, je me donne la parole. Hein, voilà. Ça, il t'avait un truc à dire peut-être. Oui, merci Majo, bel enchaînement. Oui, je vais parler d'un jeu qui est sorti. Il est sorti hier, donc le 20 janvier. Au prix prohibitif de 69,99€, et par contre on l'attendait grave celui-là. C'est Hitman 3 de IO Interactive qui est enfin dispo, voilà, qui nous avait fait un petit peu baver avec ses trailers, ses bandes annonces qui étaient complètement magnifiques et qu'on n'y croyait absolument pas nos yeux. Que l'on pensait optimiser PS5, ouais, à l'époque. Qu'on pensait que c'était des versions PS5, et on était à l'époque, on pensait que le PSVR était complètement ouvert au PS5. Non. Donc du coup, pour pouvoir y jouer sur votre PS5, vous pourrez, mais avec la version PS4 de Hitman 3. et sur votre PS Pro aussi, ça sera exactement la même version, peut-être avec un petit peu plus d'aliasing et un peu plus de popping d'objets, de clipping. Et moi, j'ai eu la chance de l'essayer sur PS4. j'ai pas vraiment le rendu en fait des trailers. Hein. Ça, je vais pas vous le cacher. Je crois que même la version PS5 n'a pas le rendu des trailers. Ouais, je pense. Non, franchement, ça pique. Alors, on a pas reçu la clé en avance. On n'a pas reçu la clé du tout, d'ailleurs, tout court, pour le moment. Tout court. Voilà. Donc du coup avec nos petits sous et je l'ai acheté, ça fait quoi, ça fait 5 jours qu'il est en cours de téléchargement, donc en préchargement. J'ai pu télécharger uniquement la version la partie jouable de l'installation. Mais t'es pas dans le cloud qui est buggé. Non, je suis pas dans la fibre. En tout cas, ça c'est clair, j'en suis très très loin. Ce qui fait que du coup j'ai pas encore le jeu complet. J'ai pris du coup en promo avant Hitman 1. J'avais mis un petit post sur Facebook, on le trouvait, le Hitman 1 GOTY à 12,99€, et puis il y avait Hitman 2 aussi qui était dispo à 14€ et quelques. Enfin voilà, donc du coup je les ai récupérés, j'espère que ça sera compatible. Pour le moment j'ai pas pu vérifier. Apparemment c'est compliqué. C'est compliqué. Donc je suis content de les avoir pris en promo. Ouais, mais il y en a pour qui ça sert à rien pour l'instant, c'est assez... C'est pas très très clair. Déjà l'utilisation de la version PS4 pour jouer en VR, si t'as la version PS5 et que t'as la version PS4 mais tu peux pas l'avoir en VR, enfin, ouais. c'est déjà pas simple. Mais alors la partie Hitman 1 plus Hitman 2 rétrocompatible VR, c'est encore plus compliqué. C'est encore plus flou. Bon. Bah en tout cas voilà, j'attends déjà que tout soit téléchargé pour pouvoir déjà faire une vidéo de premières impressions, et puis voilà, voir exactement qu'est-ce qui est compatible, comment ça fonctionne, et puis voilà, raconter un petit peu ce que j'ai pu découvrir. Mais en tout cas voilà, tout ça pour dire que j'ai pu le tester un petit peu que hier soir. Le jeu est sur PS4 est très flou. Comme d'habitude, hein, tous les objets qui sont vraiment en face de tes yeux sont plutôt jolis et nets, et c'est vraiment sympa. Dès que c'est au loin, c'est une bouillie de pixels. Pas possible. Il y a des objets qui sont, par exemple, t'as une table. T'arrêtes de jouer sur PCVR, toi. Non, mais c'est vrai que tu vas finir par travailler chez Canard PC à force de nous lancer cette expression. Tu passes de Medal of Honor à ça, c'est vrai que ça pique un petit peu les yeux. Mais t'inquiète, après, je commence mal, mais c'est pour mieux rebondir vers le sublime. Donc, par exemple, t'as une table qui est juste devant toi avec des verres posés. En fait, les verres, ils apparaissent que quand t'es à 3 mètres de la table. Quand tu recules, en fait, les objets, ils disparaissent tout simplement. Par contre, il y a une gestion de la foule qui est assez impressionnante. Alors, faut pas bouger la tête trop vite, mais rien que dans la mission de d'entraînement, en fait, au tout début du jeu, t'as facilement à l'écran 40-50 personnes, quoi, devant toi. Donc pour de la PS4, c'est quand même assez impressionnant, mais de toute façon Hitman a toujours été précurseur ça aux gestions de foule sur les jeux, et ça depuis même pas depuis le Hitman 1 là, qui était ressorti en 2016, mais même bien avant. Donc là il continue là-dessus, ça fonctionne plutôt bien. En tout cas voilà, les décors, même s'il y a des petites carences techniques, ils sont loin d'être vides, et du coup l'immersion fonctionne vraiment bien. Ensuite, le truc important, c'est que bah, déjà tout le monde le sait, mais bon, le jeu est jouable uniquement à la manette. Les moves sont pas compatibles. Ouais, c'est fou, hein. Et donc, du coup, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Et bah, moi, je vais te donner mon avis. Je trouve que c'est une bonne mauvaise. Nouvelle. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. Bah, moi aussi, je serais plus du côté bonne. Moi, franchement, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Parce que je suis bien luné ce soir, je sais pas. Ça doit être ça. C'est pas une bonne nouvelle. Enfin, vas-y. Allonge tes arguments et je vais te contrer. Ah bah tu vois, je vais t'allonger tout court. Moi. Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que manette en main, tu te poses aucune question sur le fonctionnement du jeu et l'interface du jeu. C'est extrêmement simple et j'avais un petit peu peur de ça justement parce que les Hitman, en fait, voilà, c'est la furtivité, il faut trouver des astuces pour tuer ses cibles, etc. C'est l'exploration beaucoup. Et du coup, ça m'aurait vraiment fait chier en fait de devoir me perdre dans des menus, dans des interfaces à plus en finir, et puis à me perdre finalement là-dedans avec les moves. En plus du côté t'avances librement en fait dans le jeu. Tu vois, c'est pas de la téléportation. Tu peux faire des rotations normales avec ton stick. Et on sait qu'avec les moves, c'est pas évident ce genre de choses. Donc en fait voilà, c'est je dirais que le gameplay est extrêmement efficace manette en main. Même si le tracking n'est pas parfait de la manette PS4, bon, c'est sûr. Bon, là, je vais, là, vraiment, j'avoue, quand tu passes du PC, en tout cas du Rift S au tracking de la PlayStation, c'est vrai que ça. C'est un autre âge. Hein. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Et en fait, une fois que tu as la manette en main, tu peux. T'as plus qu'à à profiter de l'immersion du jeu. Et qui fonctionne vraiment à fond les ballons. Et t'as pas à te poser de questions sur le gameplay en fait. C'est tout est intuitif. La fonction gyroscopique du pad est utilisée. Donc en fait, tu bouges les bras. C'est un petit peu comme quand tu joues à plein de jeux, mais notamment Rush of Blood avec une manette en fait. Mm-hmm. Ça suit vraiment la détection de ta manette et le mouvement de ta manette. Donc ça marche bien. Quand tu vises avec ton flingue, ça fonctionne bien. Quand tu veux donner une patate à un ennemi, ça fonctionne bien aussi. Donc. Quand tu récupères un objet, en fait, tu as juste à le cibler, tu appuies sur R1, tu le récupères, en fait, ouais, ils vont pas se faire chier à te faire te baisser pour récupérer comme ça l'objet. C'est tout simplifié. Après, pour mettre dans ton inventaire, tu as une petite bulle blanche juste en face de ton bide, et bah tu mets l'objet dans l'inventaire et tu le lâches dedans. Et puis quand tu veux le récupérer, c'est ultra simple, quoi, et donc ça fonctionne très très bien. Moi, en tout cas, franchement, j'adore, perso, et je vois vraiment pas le problème avec le fait que ce soit. Voilà, les contrôles à la manette, c'est pas une visée qui est comme Resident Evil 7 visée avec le mouvement de la tête. En fait, tu vises en regardant un objet et tu tires avec ta manette. Non, là tu prends ta manette et tu utilises vraiment la fonction de détection de mouvement de ta manette. Donc c'est un truc hybride qui fonctionne bien en fait. Tu vois, Resident Evil 7, moi je trouvais bien à la manette, ça fonctionne bien. Mais c'est vrai que ce côté un petit peu arcade, enfin ouais, arcade dans les contrôles pouvait en gêner certains. Moi aussi, je. Ouais, mais Resident Evil, de mémoire, il a pas de motion gaming. Non, il y en a pas. Il se joue à la manette comme Skyrim se joue à la manette. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais comme Skyrim, c'est ça. Là, on parle d'un jeu qui t'incite à faire du motion gaming avec une manette. C'est ça. Et donc ça. Faire des mouvements qui sont complètement anti-naturels avec une manette. C'est-à-dire, en fait, dans ma tête, je m'imagine jouer à ça, j'ai l'impression de m'être fait menotter, tu sais, et puis de me déplacer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et le fait de faire le mouvement en avant pour étrangler un mec ou même de tirer, enfin. Ouais, c'est pas vraiment l'interaction en elle-même. C'est plus que ça aurait pu être fait d'une manière plus naturelle. Je comprends que tu dises, bon, on va éviter tous les contrôles, tous les menus, les sous-menus, etc. Mais déjà, il y a un menu qui, moi, me fait chier, c'est le menu de sélection des armes. Quand tu mets tes mains sur ta petite bulle blanche, là, ben, ça casse tout. T'as un vrai menu. Et en plus, si je dis pas de bêtises, tu repasses en 2D. Non, au lieu d'être... pas du tout. Non. Non, en fait, t'appuies sur. Pour tout ce qui est menu, tu repasses pas sur un plan en 2D en mode cinéma ? Absolument pas. Quand tu vas dans le menu du jeu, en fait, bah oui, c'est en mode 2D. Mais quand tu es dans le jeu et que tu veux récupérer par exemple un objet que t'as dans ta poche, t'as juste à appuyer sur ta croix directionnelle, à droite ou à gauche, et en fait, tu restes en VR dans ton jeu, et t'as juste une petite barre en face de toi de menu qui apparaît, et tu sélectionnes, donc ça fige le temps autour de toi, et après tu sélectionnes ta corde à piano. Tu vois, un truc beaucoup plus simple, enfin, je veux dire, c'était de te faire deux mains et de te faire un genre d'inventaire au-dessus de la main, comme sur No Man's Sky ou un bordel comme ça. Ah ouais, je suis pas certain en fait, parce que moi vraiment, je trouve l'interface très claire, très simple, et justement, cette simplicité, ça te permet d'être beaucoup plus efficace et plus réactif en pleine action. Donc ça marche bien. Il y a un truc, tu dis que t'as l'impression en jouant à la manette d'avoir des menottes. Alors déjà, il y a les actions principales, en tout cas celles que j'ai eu l'occasion de faire hier soir. Quand tu étrangles un gars avec ta corde à piano, en fait, bah finalement, tu gardes tes mains en face de toi, l'une rapprochée à l'autre. Donc du coup, ça gêne en aucun cas l'interaction et puis le fait de tirer. Quand tu mets une patate à un ennemi, si t'es droitier, tu prends ta manette uniquement avec la main droite, tu lâches ta manette avec la main gauche, tu mets une patate. Tu lui mets un coup de manette. Quand tu utilises un flingue, c'est pareil. Tu lâches en fait ta manette avec ta main gauche et tu la gardes à ta main droite et tu vises comme ça et boum. Donc franchement, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Il faut vraiment avoir manette en main pour se rendre compte que c'est ce que j'allais te dire. Je verrai quand je l'essaierai. Mais Je suis sceptique sur le coup. Moi là-dessus, je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est on utilise une manette. Autant sur Resident Evil, ça choque pas parce que ça reste gameplay à la manette, ça suit de manette. Donc que là, mais non, finalement, tu sais, moi, les PS Move, je peux plus me les voir en photo. Donc je suis pas mécontent qu'il y ait un jeu à la manette. Quoi. Ouais. Moi je suis content justement de pouvoir utiliser des sticks. Moi ça m'aurait vraiment fait chier en fait d'utiliser les PS Move sans stick pour me déplacer librement, même si sur certains jeux ça fonctionne. Je me répète encore, quand tu passes des contrôleurs Oculus au Move, c'est chaud. C'est chaud. Là, et en plus, ce qui est bien, c'est que tout le monde n'a pas des Move et ceux qui ont un PSVR n'ont pas forcément de Move ou de quoi que ce soit, donc du coup tout le monde peut y jouer et ça c'est pas mal. Ah mais je dis pas de pas laisser les deux gameplay encore une fois. Mais ça aurait quand même été plus intuitif avec des moves. Mais je te jure, essaye à la manette, tu verras que rien ne t'empêche justement de tenir ta manette d'une main et d'utiliser ta main gauche uniquement pour le déplacement. En fait, tu utilises ta main gauche uniquement pour le déplacement et les menus. Grosso modo. Et courir. En fait, tu cours, tu peux courir avec en appuyant sur L1. Et ça marche bien, et puis une fois que tu es en mouvement, et ben après tu t'arrêtes, si tu veux faire une action, tu t'arrêtes et tu peux après faire ce que tu veux en fait avec ta main droite. Hein. Je vais troller, et si t'es gaucher? Et si t'es gaucher, tu peux mettre ta manette en mode main gauche. Ah bon? Ça te la coupe, hein. De toute façon, Majo, soit tu as le choix de jouer en VR à Hitman 3, au nom de tous les gauchers de France, est-ce que cette information est vérifiable? Est-ce que c'est vrai? Non, je suis même pas sûr, en fait. Je crois qu'il y a une option, mais je l'ai pas essayé, du coup, j'ai pas le temps. Ah, merci. Attention, n'induis pas les gauchers en erreur, s'il te plaît. T'as raison, ami gaucher. Bonne année. Bon, après, voilà, il y a des petits trucs par contre qui gênent un petit peu plus. Tu parlais tout à l'heure de l'écran en mode cinématique en 2D. Justement, toutes les cinématiques que tu as entre les missions sont en 2D, donc c'est en mode cinéma. Hein, tu as ton écran de cinéma qui est en face de toi. Ça gêne pas trop, ça va, ça passe. Par contre, ce que j'allais dire, il y a Squadron qui est passé avant. Oui, voilà. Et puis c'est bon. De toute façon, on va dire que ça casse l'immersion, mais finalement, ça reste de la cinématique. Donc. Non, c'est pas grave. Par contre, c'est embêtant parce que les fusils sniper, par exemple, quand tu vises, donc tu dois mettre ta manette juste devant ton œil. Et là, par contre, tu te retrouves dans le viseur en mode 2D. Mais vraiment, c'est pas bien foutu, quoi. C'est pas beau. C'est t'as un écran 2D en fait, et après tu dois viser avec la détection de mouvement de ta manette. C'est pas du tout intuitif, c'est pas précis, et ça j'ai pas aimé. Pareil, tu dois utiliser pourtant, aussi. Il y en a eu des jeux de snipe hein, sur PSVR. De quoi? Je dis, il y en a eu un paquet des jeux de sniper ou qui utilisent une lunette grossissante sur PSVR. Ouais, mais c'est mieux foutu. Par exemple, sur Farpoint, je crois. C'est vachement mieux foutu, hein, la lunette de sniper. Hein. Ah oui, il est bien. Ah, ça marche vraiment bien. Et au niveau de l'immersion, ça fonctionne très bien. Mais tu vois, Medal of Honor, c'est pareil. Quand tu vises avec un sniper, pareil, t'as un petit écran en 2D en fait qui se fout devant toi, dégueulasse. Là, c'est la même chose. Quoi. Dans Hitman 3, t'as un espèce d'appareil photo qui te permet de pirater des objets. C'est pareil, tu dois la mettre devant tes yeux. Et puis après, tu dois bouger ta manette devant tes yeux. Donc c'est pas intuitif et ça reste en 2D et c'est pas bon. Un autre truc pire, c'est que pour certaines cinématiques in-game, et là c'est beaucoup plus embêtant, par exemple sur la dernière mission du tuto, tu dois éjecter un gars, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai éjecté un gars d'un siège éjectable d'un avion dans un hangar pour le tuer. Et ben, pendant qu'il s'éjectait, et ben, l'écran est devenu 2D directement. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce qu'après il y a un changement de caméra, il y a une mise en scène. Mais du coup c'est dommage. Économie de temps et d'argent. Je sais pas. Faut préciser que je crois qu'ils étaient que 6 hein, sur la version VR de Hitman 3, si je dis pas de bêtises, pour le développement. Si. Donc, si, parce que en fait, le fait de faire ça, de ne pas avoir à recalculer en 3D du coup toutes les cinématiques, etc., déjà, t'as pas besoin de faire de nouvel angle de vue avec tout ce qui va bien derrière, et surtout, ça va plus vite, quoi. C'est plus simple, et puis ça se passe. Mais quand c'est entre deux missions, ça me gêne absolument pas. Quand c'est en mission, c'est ce que j'allais dire, mais sur des courtes périodes comme ça, ouais, parce que le passage est court, ouais. Ça dure 10 secondes. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu embêtant. Il y avait le même problème d'ailleurs sur Hellblade sur PC, où il y a certaines cinématiques qui se mettaient en mode cinéma en plein milieu du jeu, alors que certaines d'autres cinématiques étaient en full VR, étaient grave plus bluffantes, quoi. Donc voilà, il y a des petits partis pris comme ça, mais bon, ça, après ça enlève pas l'énorme qualité du jeu. Et ça, j'insiste vraiment dessus, l'immersion qu'il y a dedans. Après, j'ai commencé un petit peu la mission de Dubaï hier soir. C'est grandiose, hein. C'est vraiment grandiose. En plus, c'est un décor. Il y a du ray tracing dans les vitres. Tu disais, Majo? Je dis, il y a du ray tracing dans les vitres de la tour de Dubaï. Ouais, sur PS4, bien sûr. J'en ai pris plein la gueule. Et donc, comme dans Spider-Man. Comme dans? Comme dans Spider-Man. Ouais, comme dans Spider-Man, c'est ça. Non, il n'y a pas de flaque en même temps à Dubaï, c'est un climat assez sec. Ah oui, c'est vrai, c'est sec. Toi, il ne pleut pas là-bas. À part du champagne qui coule de fontaine, il n'y a pas grand-chose. Par contre, le marbre est très propre, non? Le marbre est très... Un truc tout con. Quand tu es en VR, tu marches justement sur le marbre comme ça, et tu vois des traces de pieds dessus. Parce que tu sais, il y a beaucoup de foule, les gens marchent dessus, et forcément, il y a la gomme qui reste un petit peu collée au marbre. Et ben cet effet-là, je l'ai trouvé super bluffant. Tu regardes par terre, tu vois les petits reflets comme ça, la lumière qui se reprojette pas sur là où il y a les traces de pas. En VR, ça rend vraiment super bien. Il y a plein de petits détails comme ça qui fonctionnent bien. Est-ce que tu es sûr que c'était vraiment les traces de chaussures? C'est des traces de chaussures. Pas un bug. Non, c'est pas un bug de texture. Certain, sûr et certain. C'est ton PSVR qui est rayé. Le mec qui en veut à fond. Non, ça rend vraiment bien. Et à côté de ça, t'as une foule immense qui fonctionne bien et qui a des bons mouvements et qui est crédible. Et puis après, tu vas sur la petite table avec les petits fours. Et puis les petits fours, ils apparaissent au dernier moment avec les bouteilles de champagne à 3 mètres de toi. Il y a plein de petits réglages comme ça, ils ont fait plein de petits réglages techniques pour que ta PS4 puisse évite de fondre. Donc c'est... Ils ont délaissé les petits fours. Ils ont délaissé les petits fours. Après, pour avoir vu quelques comparos PS4 Pro et notamment PS5, les deux versions du coup PS4 Pro et PS5 sont quand même assez similaires. Par contre, niveau flou et aliasing... Il y a l'air d'y avoir rien à signaler sur ces deux versions-là. Donc, on sent encore une fois... très honnêtement, voilà, le jeu, il est quand même assez ouvert. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais il est quand même dans un environnement assez ouvert. Donc, on sait tous que c'est quelque chose qui demande énormément de ressources. Et comme tu précisais juste avant, la partie gestion de foule, qui est quand même bien amenée, où tu en as pas mal, même si ça reste dans des environnements fermés souvent, mais... Ces environnements fermés, mais avec de très grandes hauteurs sous plafond, tu sais, ou ce genre de trucs. Donc ça reste quelque chose d'assez spectaculaire. Et je pense que voilà, la PS4 FAT d'origine, elle en peut plus. Quoi. Elle en peut là, plus. Pour le coup, elle est... Mais elle est bien vaillante hein, quand même. Elle est vraiment bien vaillante parce que ça reste quand même très impressionnant. C'est bien géré, hein, mine de rien. Et puis je te dis, ces contrôles me plaisent vraiment parce que je me dis que j'ai pas à me prendre la tête avec les moves, à me poser des questions. Je joue comme un jeu normal. En utilisant en plus un peu de motion gaming pour viser et pour faire des actions, ça se contrôle comme un FPS. Non, c'est vraiment génial quoi, de ce côté là et en plus avec une durée de vie de barjo, donc plusieurs maps, je crois qu'il y a 6 maps si je dis pas de bêtises, donc effectivement 6 ouais, dans la version Hitman 3, c'est ça. Et comme tu disais hein, c'est des environnements assez ouverts parce que ça fonctionne en termes de map quoi. T'as pas de couloir, t'as pas de phase d'action où t'as moins la main dessus comme des Medal of Honor. C'est, tu fais ce que tu veux, c'est la liberté, l'exploration totale. Et ça marche bien. Donc moi, un énorme oui pour ce Hitman 3. En tout cas, je vais continuer de le tester et continuer d'y jouer. Et puis comme ça, je pourrais peut-être revenir dessus un peu plus détaillé. Et puis voir surtout si les versions d'Hitman 1 et 2 que j'ai fonctionnent c'est dessus. C'est plus joli que Elle et Noir, les expériences, les dossiers. Je sais pas, Elle et Noir, je l'ai sur PC. Donc je ne peux pas te dire sur PSVR. Blood and Trust, c'est pas pareil. C'est putain, faudrait que je le remette. Hein. Faudrait que je le réessaye parce que je l'ai pas retenté depuis. Je dirais c'est peut-être un petit peu plus flou quand même que Blood and Trust, probablement. Et en plus, la résolution est dynamique, hein, clairement sur Hitman 3, c'est-à-dire que des fois, tu peux arriver dans un environnement, tu vas avoir l'image nette pendant une fraction de seconde dès que tu commences à avancer, tu sens que voilà, il y a la résolution qui a changé. Tu sens que toi tu bouges mais pas le décor quoi. Tu sens que le processeur il est derrière. C'est ça qui dit laisse-moi tranquille. Donc non mais c'est franchement, ça marche bien. C'est bluffant. C'est quand même assez bluffant qu'ils aient réussi à faire ça. Voilà, on est loin évidemment du trailer bullshit qu'on a eu. On pouvait s'en douter. Mais, comme tous. Mais comme d'habitude, hein, sur le PSVR, on peut toujours critiquer la résolution, on peut toujours critiquer le manque de puissance de la PS4, etc. L'immersion est là. Le plaisir de jeu est là. La durée de vie est là. Putain, c'est quand même un sacré. Enfin, c'est pas, peut-être pas un gros blockbuster, mais c'est une sacrée licence, quoi. Et puis, je veux dire. C'est pas un jeu que tu termines en ligne droite et qu'une fois que tu l'as terminé, tu le reposes. Non, en fait, les maps, justement, et le système de ces nouveaux, cette nouvelle trilogie d'Hitman, c'est que tu retournes sur la map et après, tu peux essayer une autre façon de terminer le niveau, quoi. Et c'est ça qui est amusant. Sans te faire voir, en étant complètement bourrin, ou alors en utilisant le poison, en utilisant sniper, en utilisant des pièges complètement débiles. En te déguisant aussi, parce que c'est vraiment un jeu de déguisement. Donc, tu vois ton corps et ça, c'est sympa. Tu regardes le déguisement que tu as. Dans le tuto, tu peux te déguiser en steward, en gars de la maintenance, en flic. T'as juste à baisser les yeux et tu te vois. Donc, non, l'immersion est là et ça fonctionne. Il est un peu rush, hein, mais quand on aime, j'avoue qu'on que s'il y a un truc qui doit me le faire prendre, ce sera vraiment la partie graphique, graphisme, pardon, et immersion, parce que le gameplay. Refaire les missions plusieurs fois pour avoir toujours le même objectif, mais les faire d'une manière différente. Moi perso, c'est pas ma cam, j'avoue. Alors, il me semble que dans les Hitman, j'ai pas trop vérifié, mais en tout cas, les deux premiers, tu avais des missions, tu sais, des saisons en gros, où ils te rajoutaient des personnages, des cibles, des nouvelles cibles, des nouvelles façons de les tuer dans des endroits différents et en fait des nouveaux scénarios finalement dans les mêmes maps. Où tu pouvais commencer par exemple dans un endroit différent et de la map et puis prendre la mission complètement à l'envers. Et justement, ce qui faisait que toute cette accumulation de petites missions et de petits changements pouvait te faire revenir sur la map assez régulièrement. En gros, une map dans Hitman 1, je crois que tu en avais pour. En plus, c'était ça fonctionnait comme une série en fait. Tu avais le premier niveau qui sortait, un mois et demi après ou deux mois après, tu avais la deuxième map, etc. etc. Et en gros, t'avais une 5-6 heures de jeu sur une map, quoi. Ça a toujours été le principe de cette trilogie Hitman, en tout cas. C'est pas un jeu que tu termines en ligne droite, c'est un jeu qui revient, forcément. Ouais, je comprends. Donc, mais bon. Donc. C'est, après, voilà, c'est mon avis. Hein, je verrai quand je l'essaierai. Je pense que je le prendrai d'occasion dans un bac à soldes. Ouais. Quand il y sera, ou peut-être en promo sur. Sur le PS Store, puisqu'en ce moment il y en a pas mal quand même. Il y en a pas mal, ouais. Ouais, 70 balles pour un jeu des maths quand même, ouais, c'est chaud quoi. Surtout avec toute la partie contenu en DLC payant quoi, qu'il y a derrière, parce que je crois que tout ce qui est. Il y a aussi des missions spéciales, des missions annexes ou un truc comme ça, mais qu'il faut acheter en plus du Hitman 3 d'origine. C'est ça, c'est en fait comme dans tous les Hitman de cette trilogie là, ils vont sortir une version GOTY l'année prochaine avec tout le contenu, tous les DLC disponibles, et tu pourras l'acheter à 30 balles. La passion. Voilà, donc patience. Et jouer, patience, et jouer sur PS5 en natif, non, c'est pas ça, non. Désolé. Ouais, ça c'est le patch pour 2025. T'inquiète. Mais ça c'est pareil, tu vois, parce que on a pas d'infos là-dessus, version PS4 machin, mais est-ce que la version PS5 utilise des textures boostées avec, tu vois, ça on n'a pas d'infos sur, pourtant un jeu qui est complètement nouveau, sort après les consoles, ouais, next-gen, qui lui n'aurait pas besoin d'attendre pour avoir un patch. On sait pas. Bah le jeu est encore neuf, hein, donc ça a pas trop communiqué dessus. Bah justement, c'est avant qu'il faut communiquer. Enfin, si tu communiques sur la partie VR, tu encore. Enfin, merde quoi. Encore une fois, je comprends pas ce statu quo. Pourquoi ils ont pas communiqué dessus. Enfin, c'est pas quand le jeu aura un an qu'il faudra le faire. Enfin, c'est avant qu'il sorte. La communication, ça se fait avant que le jeu y sorte, ou pendant un petit peu sa fenêtre de lancement, et après t'arrêtes, tu vois. Mais c'est pas quand c'est pas quand le jeu aura 4 ans que faudra dire, ah bah oui, ben on a sorti un patch pour le jeu. Vous savez, au début là, machin. Enfin. Aucun intérêt. Si y a vraiment un truc pour le vendre, bah qu'ils y aillent, quoi. Mais non, il n'y a rien. Ouais, mais bah oui, c'est un petit peu dommage, quoi. C'est un problème de promotion. De toute façon, c'est un petit peu dans l'air du temps, malheureusement, depuis un an. Ces communications sont merdiques. Le ressenti que j'ai, très honnêtement, quand tu mets tout bout à bout, alors je dis pas que le jeu est mauvais, encore une fois, je ne l'ai pas essayé, mais je parle d'un ressenti avec tout ce qui tourne autour et tout ce que j'entends. Mais j'ai l'impression que le jeu, encore une fois, il n'est pas fini. Le gameplay qui est uniquement à la manette, mais qui pourrait se jouer aussi au move en laissant le choix au joueur. La partie cinématique, comme on dit, sur des phases en VR, ou la partie cinématique en plat pour mince, les intermissions, etc. Et si tu rajoutes à ça le fait que c'est un jeu qui sort en pleine période cross-gen, donc avec la nouvelle génération et l'ancienne ou l'actuelle, on s'en fout comment on l'appelle, donc PS4, PS5, et aucun patch Day One qui profite des textures en 4K. Enfin, quand je parle de patch, c'est à l'image du patch de Blood and Truss et ce qu'on a pu voir sur Firewall et Farpoint, et voilà. Même ça n'est pas évoqué pas encore dans la com. Je... Pas encore. Mais pas encore, mais ouais, mais je te dis, mais le jeu il est sorti il y a deux jours. Justement, il est sorti il y a deux jours. En général, les patchs comme ça sortent pas en même temps. Non, mais il devrait pas. Patch Day One, si c'est un patch, ça devrait être un patch Day One. Si c'est pas un patch, ça devrait être inclus sur la version du disque. C'est la Cyberpunk Mania là encore. Non. Je suis désolé. Enfin, c'est la même chose. Tu disais qu'il y avait combien de personnes qui étaient là au développement pour cette version VR? 6, mais six. Ça va avec. Quand six, je dis que c'est un voilà. jeu qui n'est pas fini, c'est que tu peux allouer plus de 6 personnes. Alors après, c'est toujours pareil, c'est une question de budget, c'est une question de volonté, c'est une question d'envie, mais c'est censé être une exclue sur un PSVR, c'est une grosse licence, et putain, le jeu, tu le finis. Merde. Non, je pense pas. Il y a des jeux qui sont autrement plus finis, avec un budget qui est bien moindre. Je suis vraiment pas d'accord. On reprendra Stardust Odyssey, je suis désolé, mais... Non, mais attends, Les mecs, ils ont fait ça avec amour, et tu vas pas me dire qu'ils ont le budget d'Hitman 3. Non, mais c'est pas du tout la même structure, c'est pas du tout le même type de jeu. Là, on est quand même sur un jeu d'infiltration qui est extrêmement efficace, dont les contrôles sont vraiment bien pensés pour la VR. Je te parle pas du concept, je te parle de ce qui manque. Pour moi, le jeu, il est pas fini. Mais tu te rends compte la charge de boulot en plus, si tu dois transformer tous les... Bah, d'accord, mais le jeu n'est pas fini. Moi, je trouve dommage, franchement. Enfin, excuse-moi, Majo, hein, mais ce. Vas-y. De toute façon, je suis dans ma période noire. Je t'ai dit, la corde n'est pas loin. T'es pas le seul joueur justement à réagir dans ce genre-là. Alors, ok, c'est Cyberpunk Mania. Je suis d'accord qu'il y a du foutage de gueule vraiment éhonté. C'est faut gueuler, faut se faire entendre et faut se faire rembourser. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que les joueurs sont de plus en plus pressés, en fait. Ils sont de plus en plus pressés sans se poser la question un petit peu de la production. Je suis sûr que IO Interactive, c'est pas justement CD Projekt ou Rockstar qui est derrière. Hein. Toi, c'est IO Interactive. Je vulgarise, t'as compris. Et du coup, tu peux pas exiger. Je dis pas que Hitman est au même niveau que Cyberpunk. Moi, je préfère qu'ils prennent leur temps. La communication, c'est un problème et ça fait chier. Et en plus, c'est pas le travail des développeurs que de communiquer sur leur jeu. C'est le travail de communicant, donc ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Maintenant, okay. Tu ne peux pas exiger à une équipe de 6 personnes qui a dû déjà quand même bien cravacher pour pouvoir sortir le jeu-là dans des conditions de travail qui ne sont pas évidentes, tu ne peux pas leur demander justement de te pondre une version ultra opti pour PS5 dès la sortie du jeu. En tout cas, tu ne peux pas leur reprocher de ne pas sortir ce genre de choses dès la sortie du jeu. En ce moment, tu as plein de studios, de gros studios justement, qui ont des problèmes de crunch, qui ont des problèmes de... Je suis pas d'accord. Bah, pourquoi tu peux pas je peux pas être d'accord. Ça veut dire que moi, imagine, moi j'ai vendu ma PS4 Pro, j'achète une PS5, tu vois, ben je l'ai dans le cul. Je joue à un jeu PS4 qui profite de rien. Alors ok, c'est un jeu PS4. Voilà. Mais t'es un privilégié. Ok, mais enfin là où t'as un jeu, là où t'as un jeu comme Blood and Truth qui est de 2016, qui lui a un patch quasi Day One PS5. Tu vas pas me dire que les mecs, en sachant que le jeu est sorti en janvier et que la PS5 sortait en novembre, ils n'avaient pas le temps d'y penser, même s'ils sont 6. Mais le fait qu'ils soient 6, je reproche pas le fait qu'ils soient 6, je reproche pas le travail qu'ont fait ces 6 mecs. Je reproche juste l'implication ou la valeur qu'on va apporter à cette partie VR de Hitman. Ah ça. Et encore une fois, je dis pas que le jeu n'est pas bien, je ne l'ai pas fait, donc je me permettrai pas de dire ça. Mais je trouve qu'avec tout ça, il n'est pas fini. Tu as des jeux, encore une fois, avec un budget moindre qui te proposent plusieurs mais types de gameplay, que ça peut se jouer à la manette ou au move ou à ce que tu veux. Oui, mais... Et ça, c'est, moi, c'est je... En 2020, c'est un parti putain, pris. En 2021. C'est un... quand... Mais c'est un non, parti mais pris. Non. C'est un parti non. pris bah, de la part des développeurs. Je ne suis pas d'accord quand non. tu dis que le jeu n'est pas fini. Le jeu est ultra fini. il est ultra fini, ça, il n'y a pas de souci. Alors après, moi j'ai testé uniquement la version en plus de préchargement, hein, c'est-à-dire que j'avais juste la partie jouable, voilà, le jeu est encore en train de télécharger en ce moment même. Donc du coup, déjà aussi, petit aparté, je devais faire normalement la vidéo pour le site hier soir, et j'ai eu un bug en fait, la grille de la caméra apparaissait en fait sur mes captures tout le temps. Et disparaissait justement quand j'arrivais sur une partie 2D dans le jeu. Donc c'est clairement un bug en fait, à mon avis, qui est certainement déjà patché, mais vu que je suis encore en train de télécharger le jeu, j'ai pas encore accès au patch, donc du coup bref, le gros bordel. Vu le nombre de patchs, dans 6 mois t'auras le jeu. Ouais, je pense, ouais, avec ma super connexion de merde. Mais je vois pas comment est-ce que tu peux dire que le jeu n'est pas terminé. Ils ont un parti pris au niveau des commandes qui fonctionne très très bien, et je le défends vraiment à 100% parce que j'adore vraiment cette façon de jouer. Ça apporte en plus ce que je demande moi personnellement pour la VR depuis des années maintenant, c'est-à-dire une hybridation en fait des jeux 2D en VR, qui est tout à fait possible, que ce soit TPS, que ce soit FPS ou n'importe quoi. Sur ça, on est d'accord. Il le propose justement. Et la VR, c'est pas forcément du motion gaming où tu es obligé de te baisser pour récupérer un objet. Non. Mais je te parle pas de te baisser. Dans Half-Life Alyx, tu te baisses pas forcément. Hein? Bah si, parce qu'en plus tu peux y jouer qu'au debout. Non, quand t'as ton machin électromagnétique. Non, mais quand t'as ton machin électromagnétique, là, oui. T'as pas besoin de te baisser pour récupérer un objet. Doucement. Tu peux y jouer. tu peux y jouer. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux y jouer que debout, tu vois. C'est vraiment. Half-Life Alyx, c'est un bon exemple parce qu'il met vraiment en avant le room scale, quoi. Un truc qui est demandé par pas mal de joueurs PC, dont moi je me fous complètement, je préfère jouer assis. Je te parle pas du room scale, tu me parles de ramasser un objet, de faire du motion gaming dans Half-Life Alyx. On est d'accord qu'avec ton gant électromagnétique, tu peux ramasser des objets oui, de loin tu peux. En faisant oui, juste tu peux. Bien. Oui. Donc c'est une partie du gameplay. Ce n'est pas réaliste, on est d'accord, tu ne peux pas faire ça en vrai. Bon, après c'est justifié par ton machin, mais ce que je veux dire c'est que c'est possible. Tu peux très bien adapter le jeu comme ça, de manière à ne pas avoir à te baisser pour perdre le tracking. Il y a plein de jeux qui le font. Mais encore une fois, c'est laisser la possibilité... je dirais aux joueurs de pouvoir interagir de cette manière-là. J'aurais été d'accord avec toi s'il y avait eu des sticks au PS Move. J'aurais été complètement d'accord avec toi. Pourquoi ne pas proposer justement un peu plus de liberté au niveau des mouvements si les PS Move avaient des sticks? Là, on gagne en efficacité, le fait que ce soit uniquement la manette, on gagne en efficacité au niveau des déplacements. Et non, ça fonctionne, je suis désolé. J'arrive pas à entendre que ce jeu n'est pas fini. Je sais pas qui dit ça, je sais pas si t'as entendu ça quelque part ou quoi que ce soit. Non, si, c'est moi. Ou si c'est ton... Non, c'est juste un constat, je te dis, quand tu mets tout ça bout à bout, l'histoire des contrôles, enfin, qui... Encore une fois, c'est mon avis, c'est le ressenti. Si tu veux, en fait, c'est... quand je dis qu'il est pas fini, ce sur quoi je veux insister, c'est que pour moi, on lui a pas accordé suffisamment d'importance. Voilà. Parce que pour moi, ça aurait pu être encore beaucoup mieux sur un jeu d'une telle ampleur, avec une telle renommée. Et putain, attends. C'est le dernier quoi. Alors, merde, c'est alors, le attends, dernier. Attends, c'est Hitman, c'est un jeu de niche, hein. On est d'accord. Non, mais ok, mais tout le monde connaît Hitman. Tout le monde connaît Hitman, mais Hitman, voilà, ça reste putain, un jeu de niche. La licence a 30 ans, mais je suis d'accord. Moi, le premier, j'en ai fait un, ça m'a saoulé à l'époque, mais ça reste quand même une grosse licence. Et en VR, tu sais que la VR change tout. Un jeu d'espionnage et d'infiltration, si t'aimes pas ça, si t'en as plein le cul, la VR, ça peut te faire changer d'avis. Et combien de fois on l'a entendu ça, des jeux auxquels je jouerais pas, machin, mais putain, ça aurait pu être tellement mieux. Mais sois patient. Non, mais. Mais sois patient. Qui te dit que dans un mois ou dans deux mois, une fois que les gars, voilà. Mais le jeu il vient de sortir. Putain, quand ton jeu il sort, tu dois pas l'acheter dans 4 mois. Non, moi franchement, enfin. Dans 4 mois, il sera à moins 50%. Cette impatience symptomatique des gamers en ce moment, non, et qu'on entend ce beaucoup. Ce n'est pas une. Non. Qu'on non, entend ne beaucoup. Pas, non. Ah, si, non, moi, ça, je peux pas. Enfin, je suis désolé. Hein. C'est pas. Non, mais écoute-moi, c'est pas une impatience. Que de demander plus sur du contenu que tu payes pour avoir, que plutôt d'avoir déjà à disposition du contenu payant. Les mecs, ils ont déjà sorti 3 DLC pour le même jeu. J'ai pas compris. Les mecs, mais dans ton jeu, quand tu l'achètes Hitman 3, oui. T'as tes 6 missions, mais tu peux déjà avoir accès à du DLC, on est d'accord. Oui, mais disponible aussi sur place, c'est complètement différent. Non, mais je m'en fous. C'est pas ça que je veux te dire. À 70 balles, tu peux te concentrer plus sur ton jeu complet que sur les 3 DLC qui seront déjà disponibles à la sortie. Ça, je suis d'accord. Il te faudra payer en plus. Ça, je suis d'accord. Alors ça, c'est autre chose. Bon, la politique d'édition du jeu, c'est vraiment autre chose. Hein. Oui, mais c'est du temps de développement en plus sur une partie du jeu qui, elle, va être payante, qui va certainement beaucoup plus rapporter c'est pas la que même la version VR. Mais oui. C'est encore une fois une question de priorité des choses. Les mecs, ils ont priorisé la version plate, ils ont priorisé les DLC qui vont à côté, et ensuite la version VR. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est ça. Je dis juste que pour moi. Ah oui, c'est ça, oui, complètement. Dans ce jeu, la version VR n'est pas finie dans le sens où ils auraient pu y accorder beaucoup plus d'importance parce que c'est une grosse licence, parce que beaucoup de joueurs l'attendaient, parce que c'est le dernier gros jeu qu'on va avoir sur PSVR, et c'est tout. Donc pour moi, ce jeu n'est pas fini parce qu'il manque plein de choses qui auraient pu être améliorées. Mais est-ce que justement ils sont pas allés plus loin parce qu'ils savaient que le PSVR était mort ? Mais ça, c'est encore une autre question. Parce que bon, je veux dire, accordez-moi au moins ça dans mon discours. Ce que tu dis, Laurent, ça veut dire que j'ai raison. Ça veut dire qu'ils ont fait une version de merde parce qu'ils savent que le PSVR. Alors moi, c'est pareil. J'ai pas testé encore. Je vais peut-être me laisser tenter. J'attends peut-être un code, on sait jamais. Mais par contre, ce qui est vrai aussi, alors là où je rejoins Sei, c'est que la fois où j'ai pu essayer Hellblade avec une manette, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et moi, perso, ça m'a jamais. C'est Skyrim, tout ça à la manette, j'adore. Je préfère même à la manette que. Non, mais. On est d'accord que c'est du jeu qui se joue à la manette. C'est un gameplay à la manette. C'est pas du motion gaming. Après, c'est pareil, Resident Evil 7 à la manette, des jeux à la manette, ça me gêne moins. Astrobot, où on a des fois tendance à bouger sa manette ou à agir pour, en VR, où on commence à rentrer dans du gameplay à la manette, VR. Après, moi, ce qui me choque le plus, c'est que on est vraiment sur un gros jeu. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est inadmissible. Si Hitman 3 était sorti en janvier 2017, je pense qu'il ne serait pas pareil. Et on sent peut-être qu'il y a une baisse de... Ils avaient peut-être démarré le jeu et puis ils l'ont laissé. Ils ont dit, on va vraiment tout donner sur la version PS5. On va vraiment travailler sur les versions plates. Et puis après, ils ont vu comment ça a évolué. Et puis ils se sont dit, putain, mais est-ce que ça va continuer la VR? Et puis un peu, ils ont lâché le truc un peu comme Déraciné. Quand tu commences Déraciné, où les niveaux sont magnifiques. Et sur la fin, c'est taillé à coups de serpe. Tu te dis, voilà, il y a un moment où c'est qu'il y a des budgets qui sont peut-être plus alloués et qui se disent, on va travailler sur autre chose, et puis ça se ressent sur... c'est possible aussi. Est-ce que si Hitman était sorti en janvier 2017, est-ce qu'il ne serait pas plus abouti que ça? Et est-ce que c'est déjà bien qu'il le propose? Parce qu'en face, il ne faut pas oublier, il faut voir ce qu'on a. Hein. Mais il est déjà ultra abouti. Tout à l'heure, je disais Brain Beats. Tu as le choix entre Brain Beats ou Hitman 3. Non, mais le jeu, qu'on soit clair, pour moi, de ce que j'ai essayé hier soir, c'est une tuerie. Ah, mais je pense, mais vraiment. Je pense, ouais. C'est une tuerie. Et moi, personnellement, je pense PS4. Pas que la manette va me choquer. Mais c'est une tuerie. Je ne comprends même pas qu'on puisse. Je pense que ça aurait pu être mieux. Ça peut tout le temps, ça peut toujours être mieux. Moi aussi, je râle que ce soit une exclusivité PSVR. Moi aussi, j'aurais préféré y jouer sur mon PC. Et puis, non, arrête, tu vas m'énerver. Ouais, alors, flou et on en parlait cet après-midi avec Cyril. Vous vous rappelez de The Impatient et de Bravo Team? Quand ils sont sortis, ils se sont fait défoncer tous les deux. Disons que ces deux jeux-là, ils sortiraient maintenant. Tu relativises vite avec toutes les merdes qu'on s'est pris dans les dents récemment. Hein, parce que des... Ouais, mais les gars. 70 balles, 25 balles. Bravo Team, il était à 40 boules. 70 balles. Je te rappelle, Sei, qu'il y a quelques temps de ça, pour 20 balles, tu gueulais sur... je sais plus quel jeu c'était, pour la durée de vie, ou je sais... Vas-y, je t'écoute. Until You Fall, je sais plus. Non, mais dans le dernier podcast qu'on a fait, tu râlais, on s'est bataillé sur la durée de vie d'un jeu que je t'ai remis justement, Sword of Gargantua, pour contrer... Enfin bref. C'est des jeux qui coûtent 20 et 25 balles. Là, on est sur un jeu à 70 balles. Alors, tu peux me dire qu'il est en plat, qu'il est en VR, qu'il fait les plus deux. Plus le 2 et le 1. Mais il est quand même à 70 balles. 80 balles sur PS5. Ah, mais je te dis aussi qu'au niveau du gameplay, au niveau de tout... Mais justement. C'est un jeu qui est beaucoup plus intéressant que n'importe quel jeu à 20 balles. Hein. Clair et net. Hein. Mais j'estime que pour le prix... j'estime, ouais, c'est un peu... Non, mais je te dis aussi, le prix, il m'a fait tiquer. Je trouve que pour le prix, il aurait pu être beaucoup mieux. Voilà. La version VR aurait pu être beaucoup mieux. Oui, d'accord. Bah écoute, on en reparle quand tu l'auras essayé. Mais très certainement. Et je serais vraiment, je serais très curieux de voir vraiment ce que t'en penses, si vraiment pour toi c'est un frein de jouer à la manette, ou si t'as des choses à redire sur la version PS5. Non, ce qui est un frein, c'est que, je te dis, je vais pas recommencer. Franchement, ça me fatigue. C'est... Non, je vais me répéter. Non, c'est bon, vas-y. Bon, bon, écoute, on en reparle quand il aura joué, quand tu l'auras trouvé en occasion, et puis et tu verras que franchement, tu vas passer un super bon moment dessus. Et 70 balles, putain. Et plus, voilà, plus moi j'ai pris parce que. Donc 100 balles. Non, ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Sans être certain que ça fonctionne. Ah ouais, non, mais attends. Voilà, bon. Non, je suis pas d'accord. Je persiste. Tu vois, merci Laurent, j'avais oublié ce petit détail. Je persiste. Voilà. Et tu signes. Bon, en tout cas. Moi, je suis curieux. Je veux voir. J'espère pouvoir faire une vidéo pour le site rapidement. En tout cas, une fois que j'aurai fini de télécharger les 450 gigas que font le jeu. Et pour faire fermer sa bouche à Majo. Et voilà, pour qu'il ferme bien sa gueule. et voilà, quoi. Bon, après, c'est toujours pareil. Hein. Enfin, faut l'essayer, quoi. Il faut l'essayer. Le problème, c'est que tu peux pas. Tout le monde ne peut pas se permettre d'essayer un jeu pour 70 balles. Et ça aussi, je trouve ça très très moyen et un petit peu prohibitif comme prix, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, voilà, on aura, je pense, l'occasion d'en discuter et puis de vous faire aussi un retour un peu plus précis une fois que j'aurai un peu plus avancé dessus. En espérant que je ne sois pas le seul à avancer dessus et que, voilà, Io ait la gentillesse de nous envoyer une clé pour Laurent. On l'attend. Voilà. Ensuite, on va continuer un petit peu sur le même thème, mais en pas pareil, avec le point sur le marché de la VR en 2021, avec Laurent qui a fait un super dossier qu'on vous invite à aller voir sur VR4Player et sur notre chaîne YouTube. Oui. Mon petit Lolo, qu'est-ce que tu veux rajouter par rapport à ce que tu as déjà bien expliqué ? Le but du jeu ici, c'est pas de répéter ce qu'on a dit dans le dossier, donc on vous invite à aller le voir. Je vais vite vous énumérer les points abordés sur ce qu'on avait dit dans ce dossier-là. Donc c'était déjà la difficulté pour vendre de la VR. Ça, on en avait déjà parlé quand Nicolas Doucet était intervenu sur le podcast. Justement, il disait qu'il y avait de très grosses difficultés à vendre la VR. Donc on aborde ce sujet-là. Podcast numéro 10. Oui, le numéro 10. Allez l'écouter. On s'est bien assez fait chier pour le monter, donc allez, ouais. Allez l'écouter. Hein. Il y avait, on parle aussi des influenceurs qui, ça continue, hein, il y a toujours quelques influenceurs qui, je ne sais pas pourquoi, enfin je sais, on sait, hein, mais gratuitement, ils vont fracasser la VR gratuitement. Les influenceurs, en intro de c'est vidéo. Bien les influenceurs, c'est bien les gens qui influencent des influençables. C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, bien sûr, c'est comme d'habitude, hein, c'est des dossiers, donc de temps en temps, on glisse nos petits coups de gueule. C'est important aussi de le faire parce que personne rétorque quand quelqu'un. Disons que c'est les petites paroles qui ne veulent pas blesser, mais qui peuvent faire très mal. Puis qui, dans ce sens-là, sur une vidéo quand même qui dure 35 minutes, de balancer la première minute de la vidéo, que ça fait gerber, que c'est de la merde et compagnie. Quand on regarde une vidéo YouTube, c'est 100% d'attention du public sont sur les trois premières minutes. Donc c'est pas pour rien que c'est au début de la vidéo. Il aurait pu finir en disant ça. Il commence en disant ça, donc c'est pas. Bon, c'est un petit peu risqué dans ton dossier, mais c'est vrai que ça me fait quand même beaucoup rire. Le mec qui est sponsorisé par CD Projekt, donc qui chie ouvertement sur la VR, qui sont pas foutus de faire un jeu plat. Arrête avec CD Projekt, franchement, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. T'as vu l'équipe qu'ils avaient, franchement. Ils sont seulement 450, merde. Non, mais sérieusement, il y a vraiment des gros problèmes de crunch aussi dans ce. Il y a d'autres soucis. Ils sont payés 400 balles par mois. C'est chaud. Leur direction leur dit écoutez, 450 monsieur et les heures supplémentaires sont imposées pour qu'ils gagnent plus d'argent. Et leur direction leur dit écoutez, après Witcher 3 on a une tête qui a gonflé comme une pastèque, et puis maintenant écoutez, il faut être au niveau de Rockstar, sauf que Rockstar en face ils sont 1300 et eux ils sont même pas le tiers, quoi. Donc forcément, quand tu veux faire du Rockstar, ce Rockstar il met 8 ans pour faire un jeu, eux il fallait qu'il soit fini en 3 ans et demi. Donc voilà où on en arrive quand on commence à dire écoute, ton jeu tu le termines en 3 ans, t'as 3 ans pour nous pondre un triple A, en effectif vous êtes 3 fois moins, on s'en fout, on vous paye pas, et puis voilà, faut pas s'étonner, on a des jeux qui sont pas finis sur PS4 ou sur... Le jeu est pas mal. Tu veux le dire, Sei ? Oui, tu veux le dire, Sei, ou pas ? De quoi ? Que les joueurs sont trop pressés, que ça va venir, les patchs, les correctifs et tout. Mais c'est le cas de toute façon. Mais là, tu trouves ça normal ? Non, moi, je dirais pas que les joueurs sont trop pressés. Je dirais que là, le studio, il chie dans la colle, quoi. Le jeu n'est pas terminé, il le reporte de 2 ans, point. Ah, on est d'accord. Oui, il aurait dû être reporté, celui-là, clairement. Clairement. Est-ce que tu vois, est-ce que tu entends parler de GTA 6 Non, personne n'en parle. Pourquoi? Ça se trouve, ça fait peut-être 5 ans qu'ils travaillent dessus. Il reste peut-être encore 3 ans de développement dessus, mais quand ils en parleront, il sera prêt. Là, ils nous teasent le truc avec la jolie minette qui avait des lames qui sortaient de ses avant-bras. Là, depuis combien d'années on entend parler de Cyberpunk? C'était pas 2010 C'est énorme. C'est énorme. Ou 2011 ouais. Ouais, 2011 donc ou 2012, après, avant la sortie de la PS4, je crois que c'était. Ouais. Donc c'est peut-être ça, 2012, ouais. 2011 ou 2012. Donc bref, c'est rigolo parce que quelque part, ils ont bien fracassé la VR quand ils avaient pris la parole juste après Phil Spencer la VR, c'est vraiment une très, et je pourrais rajouter encore plusieurs très petites niches. Cyberpunk n'a pas peur de Half-Life Alyx, non, et puis au final il se vautre, alors qu'Half-Life au niveau de la communication pure, Half-Life il ressort avec tous les honneurs, parce que tout le monde est unanime en disant que Valve ils ne sont pas foutus de notre gueule et que c'est un studio solide, c'est clair. Et puis là Cyberpunk ils ont fait un bad buzz, faut le dire quoi. Donc au final ils se sont fait botter le cul par Half-Life. De ce côté là, côté communication, côté marketing, ils sont morts. Et donc ça les empêche pas justement de sponsoriser des influenceurs pour qu'ils vomissent dans leur casque. C'est ça, c'est ça. Ça m'a fait rire de voir qu'ils avaient été contactés. C'est très amusant. Hein. L'influenceur YouTube a été contacté par CD Projekt. Alors maintenant, on ne sait pas si c'est CD Projekt qui leur a glissé. Tu pourrais pas faire un petit sujet sur la VR parce qu'on a envie d'y chier dessus. Ou si, parce que ce qui est le plus fou, c'est que son dossier est super intéressant. Donc je ne comprends pas pourquoi les premières minutes, il se met à chier directement dessus, quoi. Voilà, bon bref, ça c'était la parenthèse. On développe un petit peu la courbe du hype. Ce que j'ai pas précisé dans cette vidéo, c'est en fait cette courbe du hype, elle est identique pour toutes les technologies. Encore un truc pas fini. Voilà, pour toutes les technologies. T'es qu'il est chiant lui, c'est pas pour possible. Disons que ça évolue tellement que en fait tu la sors jamais ta vidéo parce que au moment où elle était en rendu, il y avait des nouveaux chiffres qui sortaient. Je dis merde, il faut refaire ça. Donc après tu laisses. On s'en fout, t'as qu'à arrêter de dormir et puis tu nous fais une vidéo propre et puis c'est tout. mais cette courbe du hype, ce que j'ai pas précisé surtout, c'est que c'est dans le cas d'une technologie qui perce. Il faut pas oublier qu'après un gouffre de désillusions, s'il y a plus personne pour soutenir une technologie, il y a plein de technologies qui ont le même début de courbe, donc un pic. Après, ça se fracasse et après, ça reste fracassé. Et c'est ce qui peut arriver aussi à la VR. Donc, en fait, ce dossier, c'est plus des inquiétudes sur le déroulement de ce qui est en train de se passer. Là. Autant en 2016, on sentait qu'on avait le vent dans le dos et qu'on pouvait avancer. Et que là, on a l'impression que tout le monde freine un petit peu le truc, que la hype est bien redescendue. Certes, il y a toujours le Quest 2 en soutien, mais là aussi, le marché a quand même reculé de 15% en une année. Bien que sur ces 15% de moins sur tout le marché standalone a pris 19%. Mais c'est pas une bonne nouvelle non plus, parce que c'est pas parce que le Quest fait plus 19% par rapport à l'année passée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le marché général de toute la VR, donc de tous les casques réunis, qui se prend quand même dans la gueule moins 15%, pour quand même une technologie qui a pas démarré, et surtout une technologie qui est un petit peu encore dans un état embryonnaire. C'est pas très bon de se prendre moins 15% maintenant. Ça pourrait baisser plus tard, donc il y a le Covid aussi là-dessus. Après, ce qui est quand même intéressant, c'est que la vente de casques baisse, mais par contre, l'argent gagné, lui, augmente. Oui. Enfin, le chiffre d'affaires, pardon. Alors ça, c'est là où c'est intéressant, parce que... Et c'est assez paradoxal. Pas tant que ça, parce que bien souvent, sur la toile, on entend en ce moment parler que du Quest, hein, le Quest par-ci, le Quest par-là. C'est clair. Ça, on l'a nuancé. Pourquoi? Parce que le Quest n'aura pas la même valeur en fonction des joueurs. Le joueur qui est un joueur comme moi par exemple qui a complètement épuisé le catalogue PSVR, ce que je dis dans la vidéo, c'est que si tu pars en ayant fait tous les jeux sur PSVR quasiment et que tu arrives sur le Quest, déjà tu vas pas forcément avoir envie de repayer déjà les jeux que tu as déjà joué sur PSVR pour les refaire en plus net et en peut-être même moins beau, parce que moi c'est moins beau. Donc du coup ton catalogue il est super réduit. Et après si tu élimines tout, parce que en plus dans le catalogue du Quest ils ont rajouté pour gonfler un peu le catalogue toutes les applications YouTube VR, tous ces trucs là qui sont pas des jeux, donc si tu les enlèves en fait il reste plus grand chose. Après c'est vrai que là aussi j'insiste sur ce point, c'est que quelqu'un qui a un bon PC, c'est un super casque. Et ceux-là, qui vont dire, putain, le Quest, c'est génial, mais je suis 100% d'accord avec eux. Le Quest, il est génial parce que tu peux à la fois profiter de l'autonome quand tu es en vacances ou tu es loin de chez toi, tu peux t'éclater avec ton Quest. Et puis, dès que tu rentres à la maison, tu passes sur du Link ou sur du Stream et tu joues à des super jeux sur PC. Donc, moi, ces gens-là, j'ai rien à leur répondre. C'est pour ça que je le dis, c'est un casque génial. Mais encore une fois, donc, entre le joueur PSVR, le joueur PC et celui qui n'est pas au courant, qui va acheter ça parce qu'il va voir des vidéos, il va dire « Putain, mais t'as vu le dernier trailer d'Oculus Quest ? T'as vu comme il est beau le Star Wars ? T'as vu même Saints and Sinners sur la gueule qu'il a dans le Quest ? Et en plus, sur la vidéo, le mec, il ne le raccorde pas à un PC. Il prend son Quest, il le met comme ça, tout en autonome, et les graphismes que ça envoie. Et là, quand il va avoir la tête dans le jeu, ça va lui faire tout drôle. Donc... on est d'accord que le trailer du Quest, là, c'est une vidéo filmée. Hein. C'est pas du jeu. Hein. Ouais, il y a des vrais personnages et c'est vraiment un truc de cinéma. Quoi. C'est vraiment c'est un truc filmé, en fait. C'est pas du jeu. Le jeu ressemble absolument pas à ça, même sur la gueule des meilleures bécanes qui existent. Quand il ouvre la porte, mais t'hallucines. Tu dis, putain, un jeu comme ça, mais tu... Oh. Génial. Non, mais au cas où, je veux dire, il y a un passage même dans Medal of Honor qui est même pas d'ailleurs le débarquement, sur Quest. C'est encore plus beau que le Solar Ryan. Sur ma bécane. Moi, j'ai pas eu pareil. Hein. La flotte moi, avec les pareil, explosions hein. Et tout. Tu dis, et la fumée qui se dégage. Tu dis, putain, mais c'est trop bien, quoi. C'est génial. J'ai pas du tout eu pareil, moi, quand j'ai joué. Hein. C'est bizarre. Hein. Donc voilà, c'est un bon casque. C'est un super casque. C'est là après où on déborde dans la vidéo sur le fait que Facebook ont plutôt tendance à un petit peu inciter à dire tout le monde veut le Quest c'est le top, et puis ça marche hein, parce que quand ils annoncent qu'ils vont peut-être passer les 10 millions de casques Oculus depuis la création de Oculus dans l'année, ce qui contredit totalement Palmer Luquet qui avait dit exactement qu'ils avaient déjà passé les 10 millions alors que plus d'un an et demi plus tard, Zuckerberg dit qu'il voudrait y arriver, ce qui veut dire que Palmer Luquet avait menti. Donc, en fait, eux, ils sont à fond en train d'essayer de dire le Quest, c'est génial. Donc, il y a toute cette hype autour du Quest 2 avec des tonnes de gens. C'est sûr, quand tu achètes, c'est un super bel objet qui est super bien fini. C'est propre, c'est bien foutu. Les contrôleurs sont super, le machin. Mais derrière, ils n'ont pas de concurrence. Pas vraiment de concurrence, donc c'est pas le moment de... C'est pour ça que je fais référence à Andrew House dans ce dossier. C'est pas la peine de... Certes, ils sont à la tête du marché, ils contrôlent le marché. De là à dire qu'ils ont un monopole ou qu'ils vont fracasser le marché, je dirais, moi je suis plus inquiet en disant que s'ils sont à cette tête-là, c'est que tout le monde se barre et qu'il reste plus qu'eux. Et c'est pas forcément sain. C'est là où je préférerais qu'il y ait une vraie combativité entre plusieurs concurrents et qu'il y en ait un qui se détache du lot en fracassant tout le monde avec un super produit. Ça serait plus sain que Facebook qui arrive avec son Quest 2 et puis tout le monde dit oh, c'est bon, on peut pas lutter ou on laisse tomber. Je vais juste redire un petit peu ce que je pense de cette situation ouais. Avec Facebook. Sans m'énerver, toi je vais rester super cool. Oh, je vais t'aider. Merci Maduro. C'est que non, à t'énerver hein. C'est que ouais, j'ai bien compris. Pardon. C'est que en fait, un, ils sont seuls Facebook sur ce type de marché, donc du casque autonome. Ils sont au-dessus de l'eau et en plus, ils se permettent de mettre de côté leur propre clientèle, ceux qui ont justement investi dans le Rift S, qui mettent complètement de côté justement maintenant. Et c'est le contraire de ce qu'il faut faire justement pour avoir un marché sain. C'est déjà qu'il n'y a pas de concurrence. Si en plus ils se mettent à compartimenter leurs joueurs, comme ils sont en train de le faire maintenant, je trouve que c'est dramatique pour le marché de la VR. Mais vraiment, il y a la confiance qui est complètement brisée. Le fait d'avoir plein d'exclus Oculus Quest et de ne pas pouvoir les avoir sur le store Oculus classique, c'est une aberration pour moi. Je l'ai déjà dit, je crois, il me semble, sur le dernier podcast. Et je trouve ça complètement lamentable. Et le problème, c'est qu'à force de faire les pans là, avec leur Quest 2, aussi bien soit-il, eh ben, ils vont manifestement pas aller dans le bon sens du marché, en tout cas au niveau des joueurs. Donc voilà, je trouve ça extrêmement dangereux. Il y a une chose qu'on ne peut pas leur enlever, pour le coup, c'est qu'ils sont enthousiastes. Oui, mais non, et qu'ils en parlent et qu'ils ont intérêt. La promo. Ils ont intérêt à être enthousiastes. Ils vendent du casque. Ils vendent du hardware. Ils vendent du hardware, bah, donc ouais, ils sont... On peut pas leur reprocher. Par contre, ce qui est lamentable, comme tu dis, c'est de sectoriser la partie Rift et la partie Quest en faisant des exclus Quest. Ouais. Ça, par contre... Parce que là, le message que je prends dans la gueule, c'est bah, revends ton Rift S, enfin, même jette-le, hein, parce que plus personne en veut, de toute façon, il n'y a plus rien qui sort dessus, et achète un Quest 2. Et puis merci pour tout, hein, connard. Donc voilà, moi, c'est ça que j'entends. Hein. t'énerve pas. Non, je suis calme. Mais il y a Steam. Bah, y a Steam pour le Rift, mais effectivement, mais bien sûr. Et oui, parce que finalement, HTC Vive, ils ont pas de studio, ils ont jamais fait de jeu, ils reposent juste sur du jeu indé. Alors que c'est vrai que Oculus, eux, ont des studios. Donc, mais ça fait, c'est sûr que ça peut faire rager. Et d'excellents studios, les meilleurs studios. Ça, je te l'ai déjà dit, Lolo, en privé. Je vais bien croire. Pour moi, les studios Oculus, c'est ceux qu'on fait vraiment le haut du panier en termes de VR. Hein, depuis que je suis dedans. C'est clair. Pour moi, c'est Sony, mais bon. Ouais, j'allais dire. Ouais, y a... Allez, on va se friter là-dessus. Il y a de la place en haut du panier, t'inquiète pas, hein, y a de la place pour Sony aussi. Il y a de tout, quoi. Ouais. Il y a des deux. Enfin, les deux ont leurs bonnes exclus. De là à dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit qu'il y en a un qui était meilleur que l'autre. Je dis vraiment que. Mais tu dis que Facebook a les meilleurs studios par rapport à PlayStation. Bah, non, j'ai pas dit ça. Bon studio. Non, il a pas parlé de PlayStation. C'est moi qui ai foutu ça sur la soupe. J'ai pas dit ça. J'ai dit que. Bah, le fait qu'ils disent qu'ils ont les meilleurs studios. Ça veut dire qu'ils sont meilleurs que tout le monde. J'ai dit exactement. Les studios PlayStation. En tout cas, ils sont meilleurs que les studios Microsoft en VR. Ça c'est sûr. Mais tu commences à m'énerver, Majou. ce que j'ai dit, c'est Oculus Studio ont fait les jeux qui étaient. Ah ouais, mais tu vas voir quand on va couper les micros là. C'est qu'ils étaient vraiment au haut du panier. Mais après, voilà. Enfin, pour moi, Astrobot, ça reste quand même si ce n'est le meilleur jeu que j'ai joué en VR. Des trucs comme Loneco, Asgard Wrath. Celui-là, oui, tu en parles beaucoup. Apparemment, il t'a tapé dans l'œil. Il y a match. Franchement, c'est des gros coups de cœur. Bref, je te coupe plus. Vas-y. Donc, coupe-moi parce que je sais plus où j'en étais. Mais non, mais ce qui est intéressant, par contre, oui, c'est ce que tu disais, c'est qu'on peut pas leur enlever cet enthousiasme et cet optimisme. Et il y a un truc qui me faisait beaucoup rire, moi, c'est justement ce surplus d'optimisme qui disait le Quest, on va en vendre 10 millions et tout ça. En gros, tout le monde veut le Quest, et puis en parallèle, tu as Microsoft qui dit personne veut de la VR, justement pour enrayer ce truc-là. Et puis au milieu, tu as Sony qui dit oula, je me casse, il y a deux GAFAM, je vais me barrer. Nintendo, alors eux, je sais pas s'ils sont en réanimation ou s'ils vont sortir un jour quelque chose, je sais pas. Non, ils sont sur Animal Crossing, ils continuent à vendre des palettes. Voilà. Donc, et puis eux, oui, alors eux, c'est un mystère aussi, c'est un peu comme Job Simulator. Enfin bon, bref. Mais chacun ses goûts. Oui, parce que oui, il y a des super trucs sur Nintendo. Hein, mais je suis le premier à être fan aussi de. Mais on va se prendre les Nintendo fanboys sur la gueule. Avec ils font peur, hein, les Nintendo fanboys. Non, mais la Switch c'est bien pour les enfants. Mais pas que pour les enfants. Moi, tu mets un Zelda ou un Mario Kart, je suis super content. Il y a plein de jeux qui sont. Ouais, moi aussi, hein, j'y joue, je suis fan. Mais bon, j'achète pas une Switch pour ça. Ouais. Après donc. Étant donné que j'ai fait les 10 précédents, c'est pour ça, pour les enfants qui connaissent pas les licences, c'est nouveau, c'est mignon, c'est coloré, ça leur va bien, c'est ce qu'il faut. Ce qui est intéressant sur ce dossier vidéo, c'est qu'on s'est fait reprocher d'être trop sympa avec Oculus. alors à la fin ça me fait rire parce que quand on dit un truc de mal on se fait lyncher. Ah, t'as critiqué Microsoft, t'as critiqué Oculus, tu critiques le Quest. Après quand tu dis trop de bien, tu te fais critiquer parce que t'as dit trop de bien sur Oculus. Ça fait partie du débat de toute façon. Après faut accepter. Tu peux dire que c'était un contenu sponsorisé et dire qu'on m'est touché, hein. Voilà. Zéro, même pas à vous, même au bout d'un moment. Salut, bienvenue sur Shadow Legend. et donc c'était c'est assez drôle parce qu'on s'est fait reprocher justement de ne pas parler de toute la face cachée de ce fameux compte obligatoire de Facebook. Là, on part peut-être un peu plus sur de la politique. J'ai pas voulu rentrer là-dessus parce que dans ce cas-là, il fallait qu'après que je parte à parler des multitudes de procès que Microsoft a en cours. Donc disons que c'était plus se concentrer sur le marché VR et des casques sans parler des à côté. Ouais. Alors c'est sûr qu'il y a le compte Facebook obligatoire, il y en a que ça fait grincer des dents. Après on peut très bien se créer un faux compte Facebook. Si on n'a pas de compte Facebook, on se fait un truc qui s'appelle avec n'importe quel prénom et puis on poste rien dessus et puis il nous arrivera rien, non? Enfin je pense. Je sais pas, au niveau des restrictions du compte, je crois que ça doit être un compte actif, il me semble. Parce que bon. Je sais pas, je me suis pas trop intéressé en fait. J'ai vu la notification pour changer de compte sur le casque Oculus là, mais je l'ai pas fait encore. C'est vrai qu'on aurait pu aborder ce sujet là, parce qu'il faut pas oublier quand même que notre chaîne, notre groupe Facebook et notre page Facebook a été bloqué, censuré par Facebook pendant plus de 6 mois. Qu'on a perdu la moitié de nos visiteurs à cette période-là, et qu'on a envoyé des multitudes de messages à Facebook pour savoir pourquoi, justement, un minimum savoir pourquoi notre page et notre groupe avaient été fermés. On n'a eu aucune réponse, et puis 6 mois plus tard, tout est revenu. C'est même des visiteurs qui nous disent: vous avez vu, votre page Facebook est revenue. Et je dis: ah ben non, je ne savais pas, je n'ai même pas été prévenu. Donc c'est sûr que si ça arrive à un joueur qui a le malheur de balancer une blagounette sur Facebook, qui se fait charger par 2-3 types qui vont le signaler, lui il se fait flinguer sa page, il peut plus jouer avec son Quest. Donc ça peut faire peur. Disons que c'était des trucs où je voulais pas non plus, je voulais pas rentrer là-dedans. Après bon, tu peux pas parler de tout. On nous a dit aussi que c'était le dossier, et c'était dommage parce qu'on parlait pas du Pimax, on parlait pas des nouveaux casques chinois et tout ça. C'est pareil, le marché de la VR, c'est pas le premier pélo du coin qui va sortir un casque chinois. Certes, il sera à un bon prix, mais il aura pas de catalogue non plus. Donc est-ce qu'il fallait parler de tous les casques de vente? Tous les autres, c'est compatible SteamVR. Oui, oui, mais je veux dire, quand tu vois déjà que le Valve, il est à 150 000 exemplaires vendus, est-ce qu'il faut parler des Pimax ou est-ce qu'il faut parler des casques chinois? Le Pimax, c'est quand même le haut de gamme en termes de dalle et de définition de résolution de que tu puisses trouver sur le marché de la VR. Ah, mais techniquement, oui, mais au niveau du dossier, en parlant après, voilà, c'est pas un casque avec des caméras intégrées ou des trucs comme ça. Ça reste le Pimax, pour moi, c'est une niche dans la niche, dans la niche, dans la niche. C'est un truc, c'est comme les derniers qui sortent à 5000 euros. Là, tu te dis, bon, qui va acheter ça? Là, on parle de marché, et moi, ce qui m'intéresse le plus vis-à-vis des consoles, vis-à-vis des PC, vis-à-vis des stand-alone, c'est le grand public, parce que la VR, elle ne décollera pas tant qu'elle n'aura pas touché ce putain de marché de grand public. Et c'est pas avec un... C'est ce que vise Facebook avec... Voilà, c'est ça. Et il ne le touchera pas. Et c'est pas avec des casques chinois ou le Pimax qu'on touchera ce marché-là. Ça, c'est plus des casques pour vraiment des gens exigeants qui ont les moyens et qui il le touchera pas parce qu'il touche pas le marché console, et parce que étant tout seul sur ce marché là tôt ou tard ça va se lasser, parce que les gens, au bout d'un moment, on a vu en 4 ans comment ça s'est déroulé avec le PSVR. Au début, il y avait une méga hype. Après, ça commençait à baisser. De temps en temps, il y avait des gens, ouais, super, Resident Evil 7, génial, machin. Après, épidémie de gastro. Et après, quand ça commençait à arriver, Arc Park et compagnie, là, ça commençait à déchanter, mais ça restait à flot. Et sur la fin, il se faisait démonter parce que le casque, les graphismes de merde et les machins venant de gens qui ne jouaient pas à la VR, on en a reçu. Là, c'est ce qui va lui arriver aussi. Et puis, juste, je suis pas d'accord avec toi parce que tu pars du postulat de départ que le Quest a besoin des joueurs pour fonctionner, ce qui est pas le cas. D'ailleurs, c'est ce qui était montré dans le premier Facebook Connect. Ouais. La mise en avant justement du côté réseau social et tu parles réseau social et bureautique. Bureautique. Alors ça peut faire vendre. Et aussi, mais là, réalité on est augmentée. Plus sur le marché de la VR jeu. On est sur. Non, mais en temps de Covid et de télétravail, par contre. Oui. Oui, et surtout, c'était vraiment mis en avant par Facebook spécifiquement. Oui. Hein. C'était pas le jeu. Hein. Ils ont après annoncé des jeux, mais en tout cas, la présentation du Quest 2, retournez la voir, c'est vraiment tout sauf du jeu, en fait. C'est de la réalité augmentée, c'est voilà, réseau social, boulot. Donc, méfiance, hein, grand public. Toucher le grand public, là, moi, je suis pas en train de parler de 10 millions de casques, je suis en train de parler de toucher un grand public, c'est 100 à 120 millions de casques vendus, quoi. Et oui, mais la grandeur des débuts modeste, hein, comme on dit. Hein, donc, il faut bien commencer quelque part. Hein. Et étant tout seul, alors il y a deux cas de figure. Il y a soit ils sont seuls sur le marché et ils arrivent à toucher justement ce grand public. Donc, ce qui veut dire qu'on se retrouverait face à une Nintendo Game Boy, pour imager le truc. Si ça arrive, tous les autres, ils vont arriver. Mais ils vont arriver super vite. Ou l'autre possibilité, c'est que sans aucune concurrence et sans, et justement, c'est pour ça que tout est lié, c'est ces influenceurs qui fracassent un peu la VR, Microsoft qui fait tout pour que la VR ne perce pas, faut pas se mentir. Au final, les gens ils disent ouais la VR c'est pas mal, mais ça fait gerber. Ouais la VR c'est, et puis au final, ils vont dire qui va acheter un Quest ? On va le savoir sur les chiffres. Parce que là, admettons, là déjà, pour l'estimation des 10 millions de casques en fin d'année, on va partir sur 3,5 millions de Quest 2 vendus cette année. C'est possible, ils peuvent largement le faire. Ces chiffres-là, comment ils vont évoluer ? Comment est-ce que ça va ? Est-ce que déjà sur SteamVR, où on a une moyenne sur les deux dernières années de 700 jeux sortis en VR sur SteamVR, mais on constate quand même qu'il y a une baisse. Est-ce que l'année prochaine, il n'y aura pas que 400 jeux sur SteamVR ? Parce que tous les utilisateurs de PC qui passent sur le Quest, est-ce qu'ils ne vont pas s'orienter sur l'Oculus Store ou est-ce qu'ils vont rester sur Steam ? Donc, est-ce qu'il ne risque pas encore d'avoir des pertes de joueurs sur, et fragiliser le... Oh, ils feront les deux. Non, pas tous. Pas tous. Non, oh, non. Si. Tu fais tout. Hein. Tu fais tout. C'est comme tu es abonné à Netflix, tu es abonné à une autre plateforme. Pas forcément, pas chose. Forcément. Il y aura forcément des pertes parce que il y a des mouvements de personnes, donc bien sûr celui qui joue il y aura une dilution, il achète un Quest 2 aujourd'hui. Non mais là tu parles dans le sens d'un enfermement du Quest avec la plateforme Oculus, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas si le cas. Tu peux le linker à ton PC, tu peux jouer avec un tu peux le faire, mais quelqu'un qui a l'habitude de jouer en VR depuis des années, il va garder ses réflexes. Donc, il aura son Quest 2, il va continuer à jouer sur Steam. Tiens, il y a un jeu sympa sur Oculus, il va aller sur Oculus et il va s'amuser à slalomer comme ça. Quelqu'un qui a eu un PC tout pourri depuis des années et qui se dit oh, « Putain, j'ai acheté le Quest, c'est pas mal et puis je vais me payer un PC ». Et ce mec-là, qui en a rien à foutre en fait, qui suit pas l'actu, qui joue parce que de temps en temps, que ça lui plaît, il va se dire « J'ai un Quest, je vais sur le Store Quest ». Je vais aller sur le store Oculus. Ouais, alors je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que le mec qui joue jamais, il va pas investir dans un PC et dans un Quest pour un truc qui va mettre. Alors ça, méfie-toi parce que il y a pas mal de joueurs qui avaient 50, 60 ans sur le groupe et tout ça, qui nous contactent, qui nous disent j'avais lâché le jeu vidéo depuis 15 ans quoi. Et quand ils ont sorti la VR, ça m'a réveillé et là, il a tout acheté d'un coup. Et surtout que c'est des gens qui ont les moyens de le faire. Quelqu'un qui a 50 ans et qui est presque à la retraite et qui a un peu de sous de côté. Tu parles d'un... Ah ouais. Oui, mais justement, dans ce dossier, je parle de la moyenne d'âge du joueur, c'est 40 ans. C'est pas des... La moyenne d'âge, c'est 40 ans. Ce qui veut dire qu'il y a des gens beaucoup plus vieux. Et il y a aussi des... Non, mais ça, c'est le smartphone et Candy Crush. Oui, c'est possible aussi. Notamment du côté des femmes, je pense que le smartphone, il doit être... c'est sûr. Parce que j'entends pas souvent beaucoup de femmes jouer à Call of Duty en réseau. Quoi. Terrain glissant, warning. Attention. Non, parce qu'il y a des exceptions. Ma fille, c'est bien la première à jouer à ces jeux-là. Mais je veux dire. Ta fille, elle a pas 40 ans. On peut dire ce qu'on peut faire à ma femme, elle joue beaucoup à Candy Crush. Voilà. Il y a des jeux. Écoute, c'est pas péjoratif. Le marché mobile, c'est de loin le plus gros marché du jeu vidéo. De loin. Donc forcément, oui, c'est sûr que... Le Quest étant un casque mobile... C'est une console, ils veulent le présenter... Oui, mais t'oublies de dire que tu peux le brancher sur un PC et puis pouvoir jouer à Half-Life Alyx, du coup, c'est pas la peine de dire n'importe quoi sur le Quest, voilà. Espèce de con. Et si tu dis ça, t'en as d'autres... Ça, c'est le genre de truc qu'on reçoit. Pourquoi une voix de femme, ça, il faut dire ça. Si tu dis ça, il y en a d'autres qui vont te dire « Ah, oh, mais c'est n'importe quoi, tu fais croire à tout le monde qu'on peut jouer à Alyx sur un Quest ». J'ai l'impression que les gens ont un peu d'écouter et d'entendre ce qu'ils veulent quoi. Donc voilà, c'est le biais de confirmation et c'est le problème sur Internet en fait. Tu n'entends. T'auras toujours des détracteurs, tu pourras jamais contenter. Quoi qu'il en soit, sur cette histoire-là, moi perso, je suis inquiet de voir Facebook un peu seul. HTC qui souffre un petit peu et qui se taise alors qu'ils ont quand même été, ils ont mené la danse pendant pas mal de temps avant de se faire dépasser par le Rift, mais au début ils étaient quand même bien là. HTC qui est une petite structure par rapport à Facebook, hein, parce qu'ils sont 20, ils ont une capitalisation de 22 milliards alors que Facebook c'est 760 milliards. Donc forcément, ils ne pourront jamais se permettre de vendre à perte un casque. Et je pense qu'il y a ça aussi qui freine pas mal de monde. Est-ce que de leur côté, ils ne se disent pas que ce GAFAM devient un peu gênant sur ce marché-là? Donc est-ce que tout le monde n'est pas en train de les laisser tout seuls justement pour qu'ils se cassent la gueule et puis pour revenir plus tard? Ce qu'on peut leur souhaiter à Facebook, c'est d'arriver à décrocher comme Nintendo l'a fait un marché du grand public comme ils l'ont fait avec la Game Boy. Personne n'y croyait, ils ont continué et ils ont explosé. Ce qui va se passer, on ne le sait pas. Hein. On n'est pas là pour dire. On est juste là dans ce genre de dossier pour exposer nos craintes. Oui, c'est ça. Et on espère que ça ne se passera pas comme ça, ça c'est sûr. Mais le constat en ce moment, c'est que la VR, elle est beaucoup moins bonne qu'en 2016. Déjà, elle ne bénéficie pas, c'est pour ça qu'on a remis cette courbe du hype, de cette hype de lancement de VR qui était médiatisée et surmédiatisée sur tous les médias, y compris les médias non spécialisés jeux vidéo, en 2016. Les différentes marques qui se menaient une vraie guerre entre elles, le marché qui était plutôt dynamique. Là, aujourd'hui, on est plutôt sur un Sony qui n'existe plus en VR. On est sur un Microsoft qui n'a jamais existé en VR et qui fait tout pour la flinguer. On est sur un Oculus qui fait tout pour dire que c'est génial, pour essayer de se sortir de cette merde, mais ils doivent pas être si à l'aise que ça sur tout ça. Surtout que des anciens de chez Oculus s'amusent aussi à tailler Facebook par-dessus. On est sur un HTC qui est fragile et j'aimerais revoir un HTC fort. Et sur un Valve qui est plutôt sur du haut de gamme en casque, qui a certes sorti Alix. Mais qui au final ne sera pas forcément le studio capable de sortir 30 jeux comme le fait Oculus. Et il faut à la fois du hardware, mais il faut aussi du software. C'est pas avec tous les petits jeux indés qu'il y a sur les 700 jeux sortis sur SteamVR chaque année. Dans le lot, il y a beaucoup de déchets, on va dire. Mais dans le lot, il y a des gros titres. C'est là où Sei voulait tout à l'heure dire que c'est sûr qu'un Lone Echo, ça casse tout, quoi. Alors juste une petite aparté, il y a Valve qui est sur le développement de plusieurs jeux, en tout cas ils l'ont confirmé. Alors il n'y a aucune certitude que ce soit des jeux VR, hein, bien entendu. Voilà, moi je serais pas contre un petit Portal VR ou un petit Half-Life 3 compatible VR aussi. Voilà. Portal VR, va falloir s'accrocher. Hein. Non. Et je crois qu'on en a déjà parlé, mais. Ouais, oh, je pense que c'est jouable. Hein. C'est jouable. Venant d'eux, oui. Mais surtout qu'ils ont le hardware et il faut qu'ils soutiennent leur casque, donc ça m'étonnerait pas qu'ils ressortent. Ils ont un le moteur. Jeu, quoi. Non. Quand je dis va falloir s'accrocher, c'est en termes de sensations et de. Ah, ça se fait. Ça se fait. Je là, pense. C'est quand même un jeu qui joue beaucoup sur le vide et. Ça se fait. Des sensations. Bah de toute façon, c'est ça qu'on demande aussi, hein, au-delà du motion sickness. Hein, VR, on n'a plus oui, du tout. Heureusement qu'il faut des sensations. Donc voilà. Non, moi je suis confiant. J'aimerais bien, en tout cas. Mais après, Valve, c'est ce que je. Tout le monde parle de ce Quest, mais finalement, le vrai booster de tout le marché, c'est Alix. Quand on voit la pointe de vente qu'il y a eu sur Steam, mais c'est hallucinant. C'est un, ouais. un électrocardiogramme plat, et tout d'un coup, il y a Alix au milieu, il va péter au plafond, quoi. Comme quoi, les jeux finis. Comme quoi ? Je dis les jeux finis. Ah ben bien sûr, oui. oui. Mais je veux dire, Valve, ils ont réussi à montrer au marché qu'avec un bon jeu fini, beau, bien terminé, fini. Oui, fini. ils arrivaient à vendre je ne sais pas combien de casques grâce à ça. Et ils arrivaient à relancer ce marché. Donc en fait, c'est même autant important, voire plus important, d'avoir ce genre de titre. C'est là où le Quest m'inquiète aussi. C'est cet enfermement dans du stand-alone. Parce que tout le monde va dire... Alors tout à l'heure, on parlait de justement le Quest. C'est aussi les gens qui vont jouer à Horizon, Facebook Horizon. Donc des réseaux sociaux en VR qui vont avoir un ordinateur virtuel en casque VR style Minority Report. Ça, c'est super aussi. Mais toute cette masse de monde qui va rentrer en tant qu'acheteur de Quest va représenter une masse qui n'en aura fichtrement rien à foutre de Alix ou des jeux comme ça. Et au final, les développeurs vont se retrouver avec tiens, on a vendu combien de Quest 2 ? On a vendu 15 millions de Quest 2. Super. Sur ces 15 millions, il y en a combien qui sont sur PC reliés au Link ? Ben, on a 4 millions de reliés au Link. Ah, donc il y a 11 millions qui n'ont pas de PC, donc on va faire là où ça se vend, quoi. On va faire des jeux Quest 2. Et du coup, ça pousse. Faire du cross-platform ? Non, pas du cross. Et cross-gen. Pas du cross-platform, mais ils ne pourront pas le faire sur des PC qui font 40 fois la puissance d'un Quest 2. Ils seront obligés de faire deux versions. Ils seront toujours plus jolis, mais bon, ils seront quand même tirés vers le bas. C'est que le hardware aussi va évoluer hein, pour le Quest. Hein. Oui, bien sûr. Oui, mais tu auras toujours ce décalage entre le full mobile et le PC. Mmh. Enfin, c'est pas... et comme tu auras le décalage entre la VR pardon, et le jeu plat, excuse-moi. Mmh. C'est pas un décalage, c'est un fossé. C'est sur un PC, le Quest 2 raccordé à un PC, là les cartes qui arrivent, t'as vu la puissance qu'elles font. Et en plus, le Quest 2, il est coincé par le Quest parce que... Enfin, elles ne sont pas arrivées. Oui, mais même par rapport à une carte, une carte équivalente. Ça aussi, c'est important. On n'en a pas parlé de ça, mais ça aussi, c'est important, le fait que les consoles soient... Enfin, que toute la partie techno soit reculée, ça va retarder pas mal de choses. Ouais, mais ça retardera pas, moi, personnellement. Non, un studio qui fait un jeu comme Alix, il va se dire, je fais quoi ? J'investis 2 millions d'euros avec une équipe de 50 personnes pour faire un Alix pendant 5 ans, sur PC, alors que la part de vente du Quest, ça représente que 15% des ventes du Quest 2, ou 20%, on va dire, ou... Je fais une version d'Alix qui va me prendre beaucoup moins de temps, qui va me coûter beaucoup moins cher avec une plus petite équipe sur la version des 80% de joueurs standalone. Au final, soit ils vont dire ah, on fait les deux parce qu'il nous faut la version PC. Il y en a qui vont le faire. Ça va être bien comme du temps de Uncharted, on en parlait l'autre jour. Eh ben, ils sortaient Uncharted Golden Abyss sur Vita et ils sortaient les Uncharted 2 et 3 sur PS3, PS4. Et là, il y en a qui vont faire les deux. Mais la majorité, ils vont faire quoi ? Ils vont aller là où il y a du pognon à faire. Et quand ils vont, si le marché, là, on a déjà des petits coups de pique. On a déjà le Star Wars qui n'est pas dispo pour le Rift S. On a aussi, c'est quoi qu'on parlait aussi de l'autre jeu qui ne sera pas dispo non plus ? La dernière fois que tout le monde disait mais si il va sortir sur Rift et je vous ai dit non, lui c'est un Quest. Oh, je sais plus, ouais, c'était avant-hier là. Oui. Merde, bref. Bref, si ça devient une norme, donc l'abandon non seulement du Rift S qui est un casque Oculus, c'est là où je rejoins Sey, je trouve ça complètement dingue. Mais en plus, ça va toucher aussi les autres casques qui, finalement, il y aura moins... Parce que ce n'est pas HTC qui va développer ses propres jeux. Donc, au final, il y aura moins de jeux. Il y aura toujours des jeux indépendants pour PC, ça, c'est sûr. Mais par contre, des gros studios qui vont soutenir, moins il y aura de jeux, moins il y aura de casques, moins il y aura de jeux. Et on peut s'enfoncer comme ça sur un truc qui pousse vers le bas. Donc, c'est des inquiétudes. Inversement, il peut y avoir aussi Facebook qui se disent allez, maintenant on va sortir du lourd, on va sortir et ça peut exploser et ils ont peut-être aussi envie, ils ont les moyens en tout cas de se payer un Alix eux aussi pour justement. Mais on est toujours sur cette corde à pas savoir comment ça va bouger, comment ça va évoluer quoi. Non, puis le problème, c'est que là, je vais sortir pour le coup la carte Covid. Hein. C'est que ça a des répercussions qui sont bien plus importantes qu'on a envie de l'avouer, en fait, cette situation-là qui est en ce moment. C'est clair. Et que sur l'industrie, ne serait-ce que les fabrications de hardware, comme tu disais tout à l'heure, ou même les développements de jeux, les plannings, là, ils sont complètement décalés, ils sont complètement foutraques. Hein. Les façons de construire maintenant du hardware ne sont pas les mêmes, les prix des pièces ne sont pas les mêmes, les disponibilités ne sont pas les mêmes, les gens qui sont là pour les fabriquer ne sont pas forcément organisés de façon optimale. Les développeurs commencent à trouver de nouveaux systèmes pour pouvoir travailler en télétravail et être au moins aussi efficaces. Enfin, ils essaient d'être aussi efficaces qu'en open space. Mais voilà, il y a des répercussions et on commence... je pense qu'il va falloir être patient. Il va falloir vraiment serrer les fesses pendant un petit moment. Bah, les moins 15% de cette année sont certainement dus au Covid hein, aussi. C'est pas forcément que le marché VR se casse la gueule. C'est juste un constat. Oui, y a eu des commerces. Il y a eu beaucoup de commerces de fermés. Mais bon, il y a toujours Internet. Les livraisons étaient dispo. Enfin, tu vois, si les gens veulent vraiment, ils pouvaient pendant une certaine période. Quoi. C'était pas une pénurie PS5 pour... console next-gen comme le constat, année, c'est que ce début d'année 2021 m'inquiète beaucoup plus que le lancement de 2016-2017. J'ai l'impression qu'on a plus le vent dans le dos, mais plutôt en face, quoi. Maintenant, j'aimerais que dans les mois à venir, il y ait des nouveaux arrivants, du nouveau hardware, des nouveaux casques aussi, sur toutes les plateformes. Moi, mon monde idéal, c'est la finalité de ce dossier, c'est clairement qu'il y ait des casques sur tous les supports. Et là, on touchera le grand public parce qu'on touchera tout le public. Et c'est ce que j'attends, en fait. Et c'est pour ça que je tape autant sur Microsoft, je le précise, parce qu'il m'exaspère depuis des années avec la VR. Et il continue. Ils n'ont jamais sorti un jeu à part Flight Simulator et Minecraft qui ne marche pas sur PS4. Donc, voilà. Là, maintenant, j'aimerais... Ah, t'as réessayé, du coup? Non, je ne l'ai pas réessayé, mais j'ai vu sur Reddit, ça hurle, quoi. Les mecs, ils ne comprennent pas pourquoi le jeu... Le pire, c'est qu'on lui a mis une bonne note et qu'apparemment, il y a plein de bugs maintenant, quoi, depuis la dernière mise à jour. Oh, putain. Minecraft, je vais le tester, je vais le retester une deuxième fois et je vais modifier la note pour le faire tomber en dessous de la moyenne si vraiment, il n'y a plus rien qui marche, quoi. Normal. Normal. En tout cas, on vous invite à aller voir du coup ce dossier, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires sur YouTube ou sur le site. On termine par l'annonce, le showcase de Resident Evil Showcase qui est en train d'être diffusé en ce moment même où je vous parle. Voilà. Vous êtes dessus, les gars? Ouais, justement, je l'ai devant les yeux. T'es dessus? Thomas Joe, tu l'as, non? Pas du tout, j'avais complètement oublié. Parce que je me dis, il est 23h. J'adore donc autant, ce petit dessin animé style Tim Burton qu'ils ont mis dans la bande-annonce de Resident Evil 8. Alors, du coup, je pense qu'on va... PlayStation VR, les gars. Justement. Ascenseur émotionnel. Si on regarde, je tombe de ma chaise. Effectivement, on a des petites attentes. Hein. On aimerait... Voilà, bien surpris, même si on n'y croit pas trop. Je pense qu'on va commenter en même temps, et puis on va terminer l'émission comme ça. On peut en parler en même temps. Resident Evil 8. Resident Evil 8, c'est ambiance à l'ancienne, dans un vieux château, un vieux manoir, avec ambiance rococo. Sur un stream dégueulasse. Sur un stream dégueulasse, ouais. C'est qu'un stream. Donc, là, il y a de... Donc, Resident Evil 8, c'est ce que je disais, c'est que c'est vraiment le jeu... Qui se doit d'arriver en réalité virtuelle. C'est même pas, on n'est pas en train de dire il sortira pas. C'est que si la VR continue et qu'il n'y a pas Resident Evil 8, c'est un scandale. C'est pas possible. C'est un scandale. Quand Resident Evil 7 est sorti, il a été pas mal critiqué au début. Hein. Il joue à la manette, ça marchera jamais. Ils sont passés à la première personne. Qu'est-ce que c'est que c'est n'importe quoi? C'est plus un Resident Evil. Sauf qu'au final, Resident Evil 7, c'est le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire de Capcom après Street Fighter, je crois. Donc Resident Evil 7 a battu tous les autres Resident Evil en termes de vente. Même le 5. Voilà, il a fait 7,9 millions de ventes. Le 5 est arrivé à 7,7 millions. Donc c'est vraiment le jeu. Et alors le plus fou dans cette histoire, c'est que sur les 7,9 millions de ventes de Resident Evil 7, il y avait 17% de joueurs PSVR. Ce qui est doublement intéressant parce que non seulement il était en exclusivité totale sur PSVR et PS4, mais le fait de préciser 17% de joueurs PSVR, c'est le seul casque qui pouvait jouer à Resident Evil 7. Donc sur toutes les ventes combinées Xbox PC plat, Xbox plat, PS4 plat, il y avait quand même 17% de joueurs VR. Donc c'est un jeu qui est très attendu en VR, surtout qu'en plus c'est la suite du 7, donc tous ceux qui l'ont fait et qui connaissent la puissance de la VR, comment ils vont faire pour revenir sur un écran plat maintenant? Impossible. J'ai essayé Resident Evil 7 en écran plat, j'ai tenu 10 minutes. Voilà. Donc, c'est impossible. Après la... Tu l'as fini en VR? Je l'ai fini en VR, bien sûr, avec l'addon en plus. Ah oui. Les deux oui, addons. Vraiment rien à voir, quoi. Donc, la question, c'est qu'il est attendu. Alors, en même temps, c'est ce qu'on disait entre nous, c'est qu'on sait quand même que derrière, Sony avait déboursé quand même 5 millions d'euros pour avoir l'exclusivité momentanée sur PS4. Une exclusivité momentanée qui a duré, hein, parce qu'il aurait dû arriver en VR sur PC, on l'attend encore. Donc, est-ce qu'il n'y a pas encore cette fois Sony derrière? Parce que ce qui est rigolo, c'est que c'est ce showcase qui vient de démarrer, là, qui est de Resident Evil, il est diffusé sur une chaîne PlayStation. Donc on voit des pubs PS5, PS4, on est vraiment accroché à ce... Ah tiens, d'ailleurs, PS4, c'est intéressant, il sera compatible PS4. Ah ah! Donc s'il est, s'il est compatible PS4, c'est que potentiellement il peut y avoir peut-être une version réalité virtuelle qui peut sortir, c'est, pourquoi pas. Bah écoute, elles ont l'air d'y être toutes, sauf celle-là. Hein. Donc voilà, c'est ce jeu-là. Alors il y a plusieurs cas de figure. Le 7 mai 2021, voilà. Il sort. Ouais. Soit Sony lâche la VR totalement et Resident Evil 8 n'arrivera jamais. Soit ils sont en contrat et de toute façon ils ne divulgueront pas la version VR tant que Sony n'aura pas divulgué ses projets en VR, ce qui paraît logique. Donc c'est pour ça qu'on ne s'attendait pas à trop de VR aujourd'hui. Oh, Resident Evil 7. Là, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas d'exclus. Hein. Non, ils sortent partout. Sur toutes les consoles en même temps. Hein. C'est rigolo qu'ils soient diffusés sur une chaîne PlayStation quand même. J'aimerais bien. Bah là, c'est diffusé. Moi, je suis sur Capcom France. Donc, Alors après, il est possible aussi qu'il n'y ait aucune exclue sur Village. Mais par exemple, que Sony ait déboursé 2-3 millions pour avoir le jeu en VR. C'est possible aussi. Comme pour le 7. Pour le 7, oui. Pour le 7, c'était ce qui s'était passé. Oh, c'était 5 millions. Non, mais le 7, il est sorti en même temps, en version plate et en version VR. Mm. Voilà. Non, j'y crois pas. Il n'y a que Skyrim pour faire ça, sortir un jeu 25 fois sur de multiplateformes à chaque fois qu'elles sont nouvelles et le ressortir en réédition. Ouais, je peux pas croire qu'ils vont faire ça. Sauf que là, ils peuvent pas balancer. Alors bon, ça paraît bizarre, mais ils peuvent pas vraiment balancer une version VR aujourd'hui, alors qu'on n'a pas vraiment de casque. Pour le faire fonctionner, quoi. Parce que c'est quand même un jeu avec un nouveau moteur qui est développé à la base sur PS5 et une série X. Donc le fait de l'annoncer en VR, ça serait exactement comme s'ils annonçaient un nouveau casque. Et s'ils le font, si ce qu'on est en train de voir là, parce qu'on est en direct, on regarde en direct en même temps, s'ils annoncent Resident Evil 8 en VR maintenant, c'est soit que c'est une version PS4 qui a été rabaissée pour la faire tourner. Mais si c'est une version PS5 VR, ça veut dire que derrière on aura un casque, quoi. Parce que le nouveau moteur, le jeu comme il est, ça peut pas tourner sur une PS4. Ouais, il est quand même très très beau, hein. Mais très très très beau. Surtout que les développeurs de Resident Evil de Capcom, quand ils ont pris la parole au Tokyo Game Show, ils ont clairement dit qu'ils savaient même pas si ça pourrait tourner sur une PS4, parce qu'ils avaient tellement utilisé ce nouveau moteur. Et puis surtout les optimisations SSD, toutes ces choses-là, qu'ils ne savaient pas comment ils allaient arriver à l'adapter. Donc là maintenant c'est officiel, on sait qu'il sortira sur PS4. Bon, c'est pas une surprise, hein, parce que vu les ventes de PS5, ça ont fait un bon démarrage, mais avec le Covid et vu les ruptures de stock, c'est pas là-dessus qu'ils vont arriver à faire 7,9 millions de ventes. Comme dit Cyril, hein, c'est une génération qui est mal née quand même. Hein. C'est un peu la merde. Ouais. Mais en tout cas, voilà, un jeu à la première personne qui fait peur, qui a plu autant, parce que c'est un vrai succès. Là, on ne parle pas d'un jeu qui a... On parle d'un... Le 7, c'était un vrai succès en VR. Il a rapporté de l'argent, il a été rentable. Quand on parle à n'importe qui du PSVR, il y en a un gros pourcentage qui va parler de Resident Evil 7. Donc le 8... C'est quand même fou qu'il n'y ait rien derrière. Après London Studio, on sait qu'ils ont embauché des gens pour faire un triple A en VR. Il y a des petites choses comme ça qui nous indiquent que peut-être, alors pourquoi pas. Après, bon, bah, c'est aussi possible qu'ils laissent tomber complètement la VR et qu'on n'ait rien de nouveau avant 2024. Et puis dans ce cas-là... Bah... En tout cas, au niveau du gameplay, ça a l'air extrêmement similaire à Resident 7. Hein. Ouais, et puis pour pas dire copier-coller. C'est la suite. Hein. Ouais, non, mais d'accord, mais enfin, ouais, c'est même menu. Bah, évidemment, c'est le même moteur, mais j'ai l'impression que c'est juste un. Ouais, c'est pas un DLC, mais c'est une mission supplémentaire, quoi. Mais avec exactement le même feeling, le même. Le même raison, moteur, raison et... de plus pour nous le sortir en VR. Je sais pas, vous en pensez quoi. Bon, non. Bah, moi franchement je pense non, que c'est sûr que non. Je pense qu'ils qu'ils l'annonceront pas et que comme tu disais tout à l'heure, de toute façon s'ils l'annoncent là ils seront obligés de dire que voilà PSVR 2 PS5 officiel boum, ils le feront pas maintenant, c'est Sony de toute façon qui va c'est eux qui vont bouger les s'ils doivent bouger dire on y va ou pas quoi. Mais par contre voilà un patch ou un add-on PSVR dans quelques années de toute façon avec la latence de toute façon que toutes les tout ce qui est décidé en ce moment dans le domaine du jeu vidéo, pourquoi pas dans 2 ans, tu vois, par exemple, ben ouais, ça j'y crois un peu plus, malheureusement. Le jeu aura déjà vécu 2 ans, enfin 1 an et demi. Et sur... Est-ce que ça sera nécessaire tout, est-ce que ça vaut tous ceux qui l'auront déjà fait vont... Enfin, moi, perso, je vais pas y jouer, ça, c'est clair. Moi non plus. Je vais me dire que s'il y a une version VR, je préférerais jouer à la version VR. J'ai pas envie de me spoiler sur une version plate, ayant connu... je préfère rejouer à Resident Evil 7 en VR. Tu vois, je suis trop dégoûté sur des jeux comme No Man's Sky, que j'avais déjà bien avancé en plat, et justement, j'avais commencé en VR, mais du coup, refaire les mêmes trucs, ça m'a saoulé. Il y avait Skyrim aussi, que j'ai pas refait en VR jusqu'au bout, parce que je l'avais déjà poncé 300 heures sur PC, en plat. J'ai trop été frustré, justement, de pas découvrir ces jeux-là en VR... Donc Resident 8, moi, tant que c'est pas VR, j'y joue pas. Ouais, moi, c'est pareil. Et j'ai pas envie de tenter avec Vorpix sur PC. D'ailleurs, j'en ai pas parlé de Vorpix ce soir. J'en parlerai, je pense, à une prochaine émission. C'est le logiciel qui permet de rendre les jeux plats en VR sur PC, en tout cas sur le papier. C'est encourageant. Il y a certains petits trucs qui marchent pas, tu nous disais, mais... J'en parlerai plus précisément, parce que c'est vraiment pas mal de grosses bidouilles. J'ai passé plusieurs soirées dessus et j'ai découvert déjà pas mal de choses, mais je ferai une présentation plus complète. Mais tu vois, j'ai... Non, mais Titanfall, ça doit être tellement génial avec Vorpix. Ah bah... Je peux te dire qu'il y a des jeux que j'ai essayé, ça marche vraiment pas mal. Notamment un jeu dont je m'attendais pas du tout que ça fonctionne aussi bien, c'était Control de Remedy. C'est bluffant, quoi. Je me suis trouvé des petits réglages, j'ai l'impression que c'est aussi bien que Hellblade VR. Mais c'est pas du tout bien pour tous les jeux, quoi. C'est pas le même rendu pour tous les jeux, il y en a qui sont très décevants. Donc... Mais bon, j'en reparlerai de toute façon. Bon, là, finalement, qu'est-ce qu'ils ont annoncé là ? Là, il y a la démo qui est disponible sur PS5 dès aujourd'hui. Donc, Majo, tu peux aller sur ta PS5 et essayer Resident Evil 8. Voilà. T'auras pas peur, parce que c'est pas en VR. C'est clair. Ouais. Et perso, un jeu d'horreur qui fait pas peur, pouf. Ouais. Alors, est-ce qu'ils vont nous parler de Resident Evil 7 et de sa VR et est-ce que s'ils commencent à parler... Mais ils en ont parlé, il y a un bundle Resident Evil 7 et 8. Ouais, mais quand... est-ce qu'ils ont parlé de Resident Evil 7 ou est-ce qu'ils ont parlé de la version VR ? Non, ils n'ont pas parlé de la version VR. Non, ils ont juste dit... J'ai l'impression qu'en ce moment, il ne faut pas parler de VR, sinon on se fait taper sur les doigts. C'est l'impression que j'ai... Ouais. Mais ça fait longtemps, ça. Ça fait un moment. Ça râle dans le chat. Pas de VR. Elle est où, la VR ? Attends, je vais en rajouter une couche. Pas de VR, pas de Resident Evil 8. Voilà. Pas de VR, pas d'achat, comme d'hab. Ah. C'est quoi cet effet de grille, c'est là ? C'est quoi, ça ? Non, mais c'est fait pour... Là, non, mais ça, tu vois, ça, c'est un jeu multi sur mobile. Tu vas voir. Et reverse, je suis sûr et certain. Ça, c'est du jeu mobile à la con, multi, avec les décors de Resident Evil 2, là, notamment. Ouais, il y a une trame comme si c'était un comics. Tu sais, un petit peu comme... Ouais, il y a un effet un petit peu cel-shading, là. Mais c'est un petit peu comme le jeu qu'ils avaient sorti, Resident Evil. Donc, tout le monde a oublié l'existence où tu te battais. C'était un jeu uniquement multi avec des animations ridicules. Où tu te battais à coups de pied de biche ou de... Et c'était dans l'univers Resident, mais c'était une honte ce jeu. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire la même connerie là. Un jeu multi débilos, pas très beau en plus. World Premiere. On va pas s'y mettre non plus. Ah si. Donc ça y est, on arrive à la fin. Hitman 3 sera certainement le dernier jeu VR. Après, il vous restera Poterie VR à poncer. Je rassure, c'est pas ce qu'il est en train de se dire sur la vidéo. De quoi ? Ah non. Ce que tu viens de dire. Non, mais je sais pas, il y en a qui. Bah, c'est nul à chier. Bon, bah, c'est super, voilà. Donc, 5e anniversaire, pas de VR. Ouais. Ok, merci Capcom. On se reverra dans 25 ans. Pour rien. On se reverra dans 25 ans, en espérant que tu sois un peu moins con. Et puis voilà, quoi. Les news quasiment en direct, enfin, une fois que le podcast sera sorti et monté. On vous remercie. c'est le direct différé, tu vois. On vous remercie en tout cas de nous avoir suivis, encore de nous suivre depuis longtemps maintenant. Je réitère, merci de nous envoyer des petites étoiles d'amour sur iTunes pour nous aider. Et pour nous encourager aussi, on a besoin un petit peu de tendresse parce que c'est pas avec Capcom qu'on va en avoir. Ah non. Ça, c'est sûr. Et puis, on vous dit, je pense, à dans 2 semaines, en tout cas, s'il y a suffisamment de choses à dire. Voilà, en fonction de l'actu, on verra, si ça bouge. Voilà, j'essaierai la démo de Resident Evil. Sur du plat. Ouais. Super. Bah écoute, on fera avec ce qu'on aura. Moi je verrai la jouer à Astrobot, t'auras plus peur. J'essaierai. Non mais c'est un, en plus c'est juste une partie contemplative apparemment, donc ça me va bien moi. C'est calme, c'est posé. C'est zen. Et puis voilà. Et puis on est en train de réfléchir aussi à d'autres formules pour le podcast, d'autres types d'émissions peut-être un petit peu hors série, un petit peu plus régulières pour pallier justement au trou d'air que peut y avoir dans l'actualité de la VR en règle générale. Donc voilà, on se retrouve bientôt avec des recettes autour d'un de VR. Cuisine. On vous par exemple, ça peut être bien, ça peut intéresser les gens aujourd'hui. Tu sais, les joueurs mangent, hein, donc ils ont besoin de se nourrir. Et dernière chose importante qu'on n'a pas dite, allez sur le site, là, il y a Cyril qui a fait un article pour les promos actuelles sur le PSVR, il y a pas mal de trucs sympas. Ouais. Pour ne pas dire, notamment, j'ai l'impression que c'est bradé. Il y a un jeu que j'avais jamais pris, c'était Dirt en VR, là je l'ai pris, il est à 5€. Et c'est une tuerie, c'est une grosse tuerie. Et voilà, c'était un très bon jeu à l'époque, j'en ai de très bons souvenirs de mémoire, donc j'ai toujours voulu l'avoir, donc je l'ai pris, 5€, c'est pas cher. Pareil, il y a Bravo Team à 9€. Ghost Giant, il est bradé Non, je crois pas. Il était bradé jusqu'au 20 janvier. Skyrim aussi qui est bradé, pour ceux qui l'ont pas acheté, enfin bradé à 29€, à 19€ au lieu de 79, à 70€, je vais y arriver. Ce qui est une aberration aussi. Enfin bref. Donc voilà, allez sur le site, profitez-en. Il y a pas mal de promos en ce moment sur le PS Store et Cyril a listé les plus intéressantes. Voilà, faites-vous plaisir et puis on vous dit à plus tard autour d'un VR. Ciao, ciao, ciao. Salut. C'est parti. Salut tout le monde. Merci. Oh, sabotage. Ça commence bien. C'est ma soirée ce soir. C'est ça. Et la tienne aussi, du coup. Ça y... Et puis demain aussi. Et voilà, le bêtisier est réglé. Voilà. Allez, go. Oh, si, si. Donc ça y est, on arrive à la fin. Hitman 3 sera certainement le dernier jeu VR. Après, il vous restera Poterie VR à poncer. Je rassure, c'est pas ce qu'il est en train de se dire sur la vidéo. De quoi ? Ah non, non, non. Ce que tu viens de dire. Non, mais je sais pas, il y en a qui. Bah, c'est nul à chier. Oh, The Division avec Resident, avec des brassards. Faut couper super. Les grosses parties. Voilà. Et puis quand on voit vraiment un truc intéressant, on prend la parole, à la limite. Ouais, c'est-à-dire que tu peux l'occulter de suite. Quoi. C'est que final, il n'y a rien d'intéressant. Tout ce qu'on attend, c'est le passage VR. Attends, Bah écoute, on peut dire qu'on n'a pas vu de VR dans ce showcase. Ouais, mais on a bien le bundle. Si y en a, par contre, on va être mal. Ça m'étonnerait, c'est pas possible. Mais c'est dur. Non, mais c'est fini là. Il y en a pas. C'est terminé. Là. C'est dur combien de temps? Il y a peut-être un one more thing. C'est quoi Darkness? C'est quoi ça? Quelques années après Resident Evil 4. C'est un film d'animation. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, oui, exact. Ouais. Netflix. Un film d'animation en VR ? Non ? Non, mais en 3D apparemment. Bon, bah écoutez, je vais aller sur le store et puis je vais me télécharger Brain Beats. Bah, moi je vais aller me coucher. Hein. Je vais me télécharger Brain Beats et puis je vais faire. Rester, on sait jamais. Et puis après, quand j'aurai fini, je me ferai. Ah bah voilà. J'espère que que vous avez apprécié notre présentation. Bah non, bah non, bah non, non, non. C'était très bien, mais il n'y avait pas de VR, donc. Putain, j'espère quand même le One More Thing de la fin, quand même. Mais il n'y a rien du tout, arrêtez de... Allez, s'il te plaît. Putain, les gars. Ouais, mais tu peux pas avoir. Franchement, tu peux pas avoir poncé Resident Evil 7 en VR et te dire que tu vas faire le 8 sur un écran plat, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Moi, non. Moi, c'est clair. Et c'est un des seuls jeux où j'ai poussé un petit cri de peur. Un petit ouh. Donc. Non, mais c'est clair. Bah, si vous aviez vraiment voulu célébrer le 25e anniversaire. Bon, bah voilà. Il fallait sortir la version VR. Il manque que ça. Bah, surtout que c'est l'icône de la VR, Resident Evil, c'est ça, quoi. Bon, bah, on a le Reverse. C'est bien. Bon bah c'est super, voilà, donc 5e anniversaire, pas de VR. Ouais. Okay. Bah, merci, on se reverra dans 25 ans. On se reverra dans 25 ans.